moi, je vais pas être très longue, hein, puisqu'il y a un temps d'ouverture après au pavillon. Donc, moi, je voulais juste revenir sur cette rencontre de ce soir, avec l'immense joie d'accueillir à Caen Mathias Rollo et Geneviève Pruvot, qui sont deux personnes dont je lis les travaux, dont je suis les recherches, qui me nourrissent énormément et qui m'ont nourri aussi la programmation de cette 5e édition de Chantier Commun. Donc 5 ans à cheminer avec le Covid, avec les alertes climatiques, écologiques et sociales qui s'intensifient autour de nous. Et ces chantiers communs qui reviennent et qui, cette année, peuvent s'ouvrir sans contraintes sanitaires, avec vraiment beaucoup d'événements. Cette année, quand on a fait le compte avec l'équipe, avec Nina, on s'est dit « oulala, 80 événements, ça y est, là, comment on va faire avec notre petite équipe pour porter tout ça ?» Et en fait, non, on a vraiment, dans cette idée de chantier commun, l'idée de rassembler, d'associer et d'avoir un mouvement collectif où chacun apporte sa pierre à cet édifice commun qui est d'imaginer comment réhabiter notre Normandie, notre région. Et donc, c'est cette conversation inédite, puisque vous vous êtes rencontrés tout à l'heure en arrivant à Caen. J'en attends beaucoup aussi pour nous nourrir la suite de nos chantiers, puisque voilà, 5 ans, ça marque aussi une étape. Quelque part, c'est une façon de donner le ton de cette édition de Chantier Commun et aussi de nous aider, comme chaque année, la rencontre inaugurale, c'est aussi un moment d'enthousiasme et d'élan pour avancer ensemble. Donc ce week-end inaugural, c'est vraiment un temps où il va y avoir un maximum de rencontres. Il y en a 3 là, en 2 jours. Et ensuite, vous avez plein d'événements partout en Normandie, sur le terrain cette fois-ci, pour aller voir le bouillonnement des initiatives sur le terrain, les réalisations des archives, les citoyens engagés, les collectivités actives, avec des retours d'expérience qui se veulent être aussi par l'exemplarité ou par peut-être aussi les difficultés rencontrées, qui se veulent inspirantes et enthousiasmantes aussi pour se lancer, parce qu'il faut qu'on y aille tous et qu'on y aille tous ensemble, pas chacun dans son coin. Et je pense que Mathias et Geneviève vont nous emmener sur ces sujets-là. Voilà, je remercie aussi les âmes de nous accueillir. C'est vrai que cette année, on collabore pas mal. On a un workshop qui est aussi programmé avec Marin et Hydromonde, courant de chantier commun. Et puis un grand, grand merci à la DRAC aussi, qui est un partenaire fidèle, un compagnon, j'ai envie de dire, parce que ça fait des années qu'on propose des projets... Merci à vous. ...toujours les plus singuliers, où on chemine et du coup... Vous nous suivez à chaque fois et voilà, merci. Et bonne soirée, bonne conférence. Après la conférence, donc comme le disait Brice, direction le pavillon pour la suite et puis un moment convivial. Voilà, bonne rencontre. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus en nombre, ça fait plaisir. Donc moi, je suis Marin Schaffner. Je suis auteur, traducteur et éditeur avec les éditions Wild Project, maison d'édition spécialisée en écologie. Donc je suis normand d'origine et je coopère avec Territoire Pionnier depuis plusieurs années maintenant. Je suis très content d'être là ce soir parce que Mathias comme Geneviève sont deux personnes dont les travaux gravitent pas mal autour des miens. J'ai beaucoup travaillé sur les questions de biorégion ces dernières années. Et l'écoféminisme aussi m'a beaucoup occupé, notamment dans mon travail de traducteur, où j'ai traduit notamment les textes de Vandana Shiva. Pour ce qui est de chantier commun, les conférences inaugurales de ces dernières années nous ont emmenés toujours autour de ces questions de réhabilitation, dont on va prendre le temps de reparler ce soir, mais nous ont amenés à la fois à questionner les liens entre architecture et agriculture, à questionner les enjeux de circuits courts et de relocalisation. Et cette année, peut-être une petite avancée supplémentaire dans ces réflexions-là. Année après année, on chemine, comme Elisabeth le disait. On va essayer de s'intéresser ce soir aux questions de subsistance. Et il me semble que dans les quelques années qu'on vient de traverser, tous et toutes ensemble, le Covid aidant ou n'aidant pas, c'est selon, la question de la subsistance est vraiment revenue au galop. Nous nous sommes à nouveau confrontés à des questions de subsistance, nous qui, depuis... notre confort occidental moderne, je ne sais pas exactement comment l'appeler, pensions que nous étions maintenant assez à distance de ces questions de subsistance, de ce que c'est que d'avoir de l'eau potable, d'avoir de quoi manger, d'avoir de quoi se déplacer ou s'éclairer, comment se nourrir, comment habiter. Ces questions-là reviennent de façon peut-être plus prégnante qu'elles ne l'étaient encore ces dernières années. Et il me semble que c'est important dans ce genre de situation de pouvoir prendre un petit peu de recul et d'essayer de réfléchir à ce à quoi on fait face. Qu'est-ce que c'est exactement que ces nouvelles règles du jeu, si tant est qu'elles soient nouvelles, mais on nous avait dit que c'était pas ça les règles du jeu en tout cas. Et que ce soit Mathias comme Geneviève, on va prendre le temps d'en parler ensemble. Plein de choses dans leurs travaux me semblent être des pierres, des jalons, des choses qu'on peut glaner sur le chemin et qui nous permettent de bien penser ces questions, d'orienter autrement les manières dont on fait. Parce qu'on voit bien que la manière dont ça se passe globalement, généralement, ne nous emmène pas vers un avenir plus radieux qu'il n'est aujourd'hui. Et donc, peut-être pour commencer assez simplement, j'avais envie que l'une et l'autre, mais peut-être d'abord toi, Geneviève, vous puissiez, nous apporter une petite définition, parce que les deux mots qu'on a commencé à utiliser sont les mots de subsistance et de réhabitation. Et j'avais envie que tu nous expliques comment tu as rencontré la subsistance et comment ça a influencé ton travail et peut-être même ta vie. La subsistance, en fait, je l'ai d'abord vue dans mes enquêtes sur l'alternative écologique rurale, mais je savais pas comment les nommer ce que je voyais, donc j'appelais ça plutôt des néo-artisans, néo-paysans, néo-paysannes, néo-artisanes, et en fait, qui étaient, dont la principale activité était justement de s'occuper à fabriquer un monde autrement et à le fabriquer vraiment au jour le jour. Et c'est en lisant aussi bien Illich et puis ensuite des écoféministes comme Françoise Daubonne et puis ensuite en arrivant sur des écoféministes allemandes comme Maria Miss et Veronica Bennold-Thompson, dont l'ouvrage qui s'appelle La subsistance, mais en anglais c'est la perspective de subsistance, je préférais le titre en anglais, mais qui vient de se paraître là en 2022. Et en lisant cet ouvrage exceptionnel qui s'appelle La subsistance, que je trouvais le terme qui permettait vraiment de définir le type d'alternative écologique radicale que je voyais, que j'étais en train d'observer, qui était de se réapproprier ses moyens d'existence et donc de sortir de l'idée que la subsistance, venait des sociétés de subsistance qui seraient des sociétés de la survie, mais là de penser une subsistance en termes d'abondance et donc aussi de comment on fabrique et on réenclenche des cycles de subsistance et d'abondance au XXIe siècle, en fait, après ou pendant la société de production-consommation. Donc ça a été alors après, la subsistance, on va pouvoir leur déployer. Et réhabiter, oui, j'aime bien le mot réhabiter, parce que souvent on me disait, tu travailles sur le retour à la Terre. L'idée de retour, et chaque fois je disais, non, c'est retour vers le futur, enfin c'est pas un retour en arrière, faire un exode urbain quand l'exode rural a eu lieu. Ben, c'est pas le même... Les campagnes ont énormément changé, donc ça n'a rien d'un retour en arrière. Et donc, réhabiter, c'est l'idée de reprendre. C'est quand même faire justice au fait qu'il faut quand même replonger dans une histoire ancienne pour comprendre ce qu'on a perdu en habitant aujourd'hui, pour réhabiter, mais comme avant, autrement. Enfin, voilà. Donc, moi, c'est vraiment ce... Du coup, dans l'ouvrage quotidien politique, je fais beaucoup de grandes fresques historiques avec des tas d'historiennes et de philosophes ou anthropologues qui brassent large, tout en ayant en tête d'extraire dans le passé ce qui peut nous aider dans le futur. Donc le réhabiter, je pense que c'est à peu près ça. Mathias, je te retourne la question, mais du coup, je l'adapte pour toi. C'est plutôt réhabitation que tu as rencontré. Comment tu l'as rencontré? Comment ça t'a transformé? Mais je vais répondre aux deux quand même. Et je vais même commencer par la subsistance. C'est très facile. Moi, la subsistance, j'en ai entendu parler il y a quelques semaines en lisant l'ouvrage de Geneviève, qui est excellent et qui, effectivement, quotidien politique, développe bien, en fait, les deux termes, à la fois celui de subsistance que j'avais pas fréquentée par le passé et qui m'a étrangement résonné avec mon actualité d'enseignant en école d'architecture, parce que je me suis rendu compte que ça me facilitait énormément le travail dans le dialogue avec les étudiants, les étudiantes, mes collègues, sur des sujets qu'en effet on n'arrivait pas à nommer, et qui peut-être étaient de l'ordre de la subsistance, et donc là, permettaient de nommer et de penser quelque chose, et qui parle aussi donc de réhabilitation, qui est plutôt en effet la chose que j'ai rencontrée. Historiquement, moi j'avais fait une thèse sur l'idée d'habiter. Et l'idée d'habiter en France, elle est très très phagocytée par des milieux de la philosophie qui sont encore pétris de métaphysique heideggerienne. Et c'est vrai que cet univers métaphysique et phénoménologique qui entendait l'idée d'habiter d'une manière très différente, par exemple d'un Ivan Illich qui politise la question, qui dit mais en fait est-ce qu'on n'habite pas plus dans un bidonville que dans un logement dans lequel les architectes ont essayé de penser l'habiter, mais en fait on fait que loger les gens, donc les ont dépossédés. Enfin voilà, on sent bien que là c'est pas des questions de métaphysique, c'est quand même une autre manière d'aborder le sujet qui me parlait de plus en plus. Tout ça m'a entraîné sur une histoire biorégionaliste, et chez les biorégionalistes il n'y a pas que le concept de biorégion, il y a celui de réhabitation. Et les deux sont très intriqués. En fait, la biorégion, c'est ce qu'on réhabite. Et ils s'éclairent étrangement mieux, je trouve, l'un et l'autre, quand on les met ensemble, en tout cas dans cette histoire biorégionale telle qu'elle est née aux États-Unis dans les années 70. Donc en effet, j'ai découvert ça un peu par hasard, en plongeant là-dedans il y a quelques années, et j'en suis pas ressorti. J'ai été versé dedans, et j'ai sans doute pas refait surface. Et peut-être rapidement, avant de donner la parole à Geneviève, du coup, les liens que tu fais entre architecture et biorégion, rapidement, ils sont de quel ordre? Comment est-ce que la biorégion, ça transforme ta manière de penser l'architecture? En une minute ou en deux heures? Pas deux heures, mais le temps que tu veux. Je vais essayer, je plaisante, mais pour dire que ça va me demander beaucoup d'efforts d'être très synthétique. Mais je vais essayer de le faire. J'entends l'histoire biorégionale avec les biorégionalistes de deux façons. À la fois comme un terrain géographique, une carte, une biorégion, c'est quelque part. C'est un sous-ensemble de la biosphère. Mais je l'entends surtout dans le deuxième sens. Et en fait, c'est plutôt le deuxième sens qui me plaît au fil des années, qui est un récit, on pourrait dire, pas la carte, mais le récit, qui est une cosmologie, quoi. C'est cette histoire de réhabilitation, c'est un système de valeurs, c'est une autre façon d'habiter le monde, de faire monde, de donner du sens à la vie, aux choses, de regarder, de définir ce qui a du sens. Bref, comment on se comporte, en fait, au sein de cette biorégion? Par-delà, la carte, c'est des limitations, les moyens de la définir, les critères. J'ai tendance à considérer que, finalement, l'intérêt de cette histoire biorégionaliste, c'est pas la carte qui n'est qu'un prétexte, qui n'est qu'un outil, c'est tout le reste. Ce que cet outil génère, ou ce que le fait de chercher cette carte met en mouvement chez nous. Et c'est cette deuxième partie, beaucoup plus que la première, qui me semble aussi pertinente pour les milieux de l'architecture, en tout cas c'est ça que je mets en mouvement. Parce que sinon, on pourrait se dire, l'architecture est le grand territoire, pour le dire comme ça, si on associe biorégion avec un grand territoire, ce qui par ailleurs me semblerait pas pertinent, mais c'est ce que je rencontre souvent, et ce que je comprends, hein, par ailleurs, qu'on fasse comme association d'idées. On pourrait se dire, oui, en effet, peut-être que c'est une architecture qui s'insère bien dans son paysage, ou je sais pas, des choses comme ça, qui me semblent tellement plus décevantes que ce que j'ai aimé dans la littérature biorégionaliste. Alors que la partie du récit, elle peut pas être décevante, parce qu'elle est hautement en différence avec ce qu'on vit au quotidien. Elle est tellement radicalement autre, cette littérature, dans ce qu'elle nous invite à penser, à faire, à croire, que ça ne peut que bouger l'architecture, mais d'une façon qui n'est pas donnée d'avance. Il n'y a pas de catalogue d'architecture biorégionaliste, en tout cas je me suis toujours opposé à ça, à labelliser des choses en disant ça l'est, ça l'est pas. Je pense qu'il faut essayer de garder, pas appauvrir les concepts et leur potentiel, mais qu'il faut au contraire garder leur potentiel d'accro, quoi, de résistance, et au risque de la difficulté, quoi, de ne pas les réduire. Pour finir, je dirais que sur le sujet, je dirais que c'est... des fois, j'ai tendance à dire que c'est un peu ce que fait la biorégion à l'architecture, ce serait un peu comme se dire ce que fait la poésie à l'architecture. Heureusement que qu'on n'en sort pas un mode d'emploi, la poésie, ça fait ci, ça fait ça. L'architecture poétique, c'est celle-ci, c'est celle-là, elle n'est pas. Ce serait affreux, non ? On aurait tué toute la poésie en faisant ça. La biorégion, c'est un peu pareil. Je pense que lire de la biorégion, des écrits biorégionalistes, en tant qu'architecte, et se demander ce qu'on en fait, bah, ça transforme la façon dont on conçoit, dont on dialogue avec les gens, dont on dessine, les éthiques, les esthétiques, ça transforme tout, parce que ça nous transforme nous, en fait, surtout. Et toi, Geneviève, sur les terrains que tu as fait, ces questions architecturales, tu les as rencontrées à maintes reprises, on peut dire, sur la question de la terre crue, des chantiers participatifs, de l'habitat léger, même la permaculture, d'une certaine manière. Du coup, c'est quoi, toi, tes rapports à l'architecture? Comment tu le vois? Comment ça t'intéresse? Si, ça m'intéresse. Ben si, parce qu'en fait, à partir du moment où on s'intéresse à la matérialité du monde et à sa fabrique, et au fait que la fabrique du monde quotidien nous a été confisquée, en fait, puisqu'elle était localisée très loin, ou enfermée dans des lieux qui s'appellent des usines ou des commerces ou des malls. Donc à partir du moment où on se refait, où on écrit une autre histoire, où on cherche des occasions ou des sociétés dans lesquelles la fabrique du monde est visible, tangible, et on peut l'apprendre en se promenant, en arpentant le monde, ce qu'on ne peut pas faire dans les villes d'aujourd'hui et encore, et pas davantage dans les villages des sociétés modernes. Moi, ce qui m'a sauté à la figure, en fait, quand j'ai arpenté des territoires ruraux alternatifs, c'est que là, la fabrique du monde était totalement immanquable. Une vaisselle en trois bacs, en plein air, elle se voit, qu'on soit à Notre-Dame-des-Landes ou qu'on soit sur un festival autogéré. Et par ailleurs, quand on voit une maison ou une cabane qui est fabriquée, qu'on va dire de briques et de brocs, mais en fait surtout de différentes mains, parce qu'il y a différentes strates d'habitation. Quand c'est une cabane de Notre-Dame-des-Landes, par exemple, ça crée une esthétique et qui porte la trace, en fait, même de toutes les personnes qui ont mis la main, en fait, à différents moments, et qui ont complété ce travail collectif, pas forcément ensemble, mais les uns après les autres. Et donc, ça dit quelque chose. Et d'autre côté, moi, j'ai beaucoup aussi travaillé sur les alternatives écologiques en habitat léger. Et donc, le premier élément, en fait, qui surgissait aussi, c'était que l'emprise humaine, l'artificialisation du sol, et comment se remettre en état d'écoute du monde, ça implique de changer radicalement de façon d'habiter. Et les lieux où j'ai vu des personnes se le plus drastiquement, mais aussi de façon la plus immédiatement, se remettre en prise immédiate avec un sol, des arbres, du soleil, du vent, mais aussi des matières qu'il faut fabriquer, parce que le levain, quand on le fait dans sa yourte, il faut quand même une certaine température, on nourrit pas, enfin, les vaches de plein champ, il faut quand même que les ballots de paille pour l'hiver, enfin, il y a plein de choses comme ça quand on a des vaches, par exemple, sans hangar, sans étable, tous ces éléments-là, ça dessine donc une façon d'habiter les lieux qui font qu'on habite un milieu de vie et que l'intégralité de sa quotidienneté et de ses gestes doit être la plus astucieuse possible, combinable possible sur ce territoire-là, pour être en sorte de ne pas perdre pied avec ce lieu-là. Et donc, quand on a cette sorte de rapport, quand on commence à se dire « je vais vivre de mon milieu », en fait, il faut donc être en état de veille constant de ce milieu, puisqu'en fait, le moindre bourgeon, les insectes, les oiseaux vous indiquent des tas de trucs, et si vous n'êtes pas là pour le voir, vous loupez le bon moment pour semer, ou etc. Et donc, en fait, pour ça, moi, dans mes enquêtes, ce qui était très parlant, c'était ceux qui racontaient le passage de la vie, par exemple, en cabane ou en yourte, la terreur que c'était de revenir habiter dans des maisons en dur, c'est que, par exemple, ils n'arrivaient plus à retrouver ce contact qu'ils avaient commencé à réapprendre en habitant en habitat léger. Donc pour moi, c'était... Puis moi-même, j'ai habité aussi sur mes terrains d'enquête, du coup, dans ces mêmes habitats. Et donc, ce qui a apparu très clairement, une fois que j'avais vu ces manières d'habiter en habitat léger, c'était quelles sont donc les formes d'habitat qui permettent de ne pas être coupé du monde. Donc c'est sûr que le double vitrage, l'hyper-isolation, avoir très chaud, alors que moi, cette éco-construction, ça me passionne par ailleurs. Hein. Ma maison, elle est super isolée, j'ai du double vitrage, etc. Mais en même temps, je vois bien aussi ce que ça correspond à une société où on vit à l'intérieur, il faut qu'on ait chaud, alors qu'en fait, quand on est dans son jardin, qu'on n'a pas beaucoup de lumière chez soi, c'est parce que quand on rentre, c'est parce qu'on n'a plus besoin de la lumière naturelle du dehors pour travailler, parce que là, on doit rentrer chez soi et on dort, en fait. Donc moi, Et donc, la manière de refabriquer le monde fait que d'un coup, ce qui me paraissait très important en termes d'éco-construction, devenait de moins en moins important, parce qu'en fait, ça correspondait à un mode de vie qui n'est pas celui vers lequel je pense qu'il faudrait aller. Si on veut réintégrer la subsistance dans nos existences, c'est avant tout un habitat qui permet de surtout être en prise directe avec notre subsistance immédiate. Et donc, ce n'est pas forcément des maisons bunkers écologiques. Quoi. Merci. Et ça, Mathias, ça fait des échos directs. Donc, c'est Gary Snyder, le grand poète biorégionaliste américain, qui disait le sens des lieux. C'est un peu ce que tu évoquais à l'instant. Ça fait des échos directs, du coup, avec ces mouvements biorégionalistes américains des années 70-80. Tu nous en parles un peu, là, dans les échos que ça fait, à quoi ça te fait penser par rapport à tous ces mouvements réhabitants? Peut-être. Ou alors, je vais pas répondre à ta question. N'hésite pas. En tout cas, ouais, effectivement, cette histoire d'habitation poreuse à l'environnement, c'est pas forcément toujours un très bon terme, mais voilà, ce qui nous est proche, notre milieu, effectivement. Encore faut-il que le milieu autour ait cette capacité à recevoir les interactions et que nous, on ait la capacité à interagir de façon saine avec lui. Et ça pose des questions de métropole, de densité, de tout un tas d'endroits qui sont là, avec lesquels il va falloir faire, et dans lesquels la porosité à l'environnement proche est soit impossible, soit pas souhaitable, ou en tout cas ne générerait pas... tu vois, c'est à la fois c'est hautement souhaitable ce que tu décris sur l'habitat léger, et en même temps, moi, mon esprit d'architecte se pose la question de toute cette somme bâtie en France avec laquelle qui n'est ni éco-construite ni adaptée à cette porosité, ni adaptée d'ailleurs vraiment à une réhabilitation telle qu'on a commencé à en parler là. Et pourtant, la chose la plus écologique à faire avec tout ça, c'est de le prendre en compte comme un déjà là, qu'il faut respecter, qu'il faut accompagner aussi, parce que c'est déjà du bâti, etc. Enfin, je pense parmi les questions les plus difficiles qu'on ait à traiter aujourd'hui, d'autant qu'il ne faut pas sanctuariser, je vais digresser tant qu'à ne pas répondre à ta question, mais peut-être on y reviendra. Parce que cette histoire de déjà là, en plus... Tant qu'à être branché là-dessus, c'est vrai que ça, ce qui je trouve est très difficile, c'est de ne pas... T'as bien parlé du fait que c'était pas un retour, si ce n'est un retour vers le futur. Et on sait qu'en plus, le futur dans lequel on est pris à chaque seconde est un peu anxiogène, quand même, on peut se le dire, et largement incertain. On a beau faire des scénarios, il y a des grosses zones de flou sur tout ça. On sait juste peut-être un truc avec certitude, c'est que ça va bouger radicalement. Ça, on est à peu près certain. Ne serait-ce que d'un point de vue climatique, vous avez vu que même maintenant, depuis une semaine à peu près, le ministre de l'écologie est d'accord avec ça. Ils ont assumé que ce n'était pas 1,5 degré, en fait, l'accord de Paris. Même le gouvernement reconnaît maintenant qu'en effet, ce que tout le monde avait bien noté, c'était trop tard et c'était perdu. Et donc, on vise plus 4 degrés, on s'accorde là-dessus. Qu'on trouve ça bien ou pas que le ministre ait fini par assumer cette chose-là, ça veut dire, moi je trouve qu'on peut maintenant rehausser le niveau de radicalité en se disant même le gouvernement est d'accord avec les plus 4 degrés, donc en gros le fait que ça va bouger radicalement n'a plus, c'est même plus un débat, c'est un consensus gouvernemental. Et la question, je vais revenir à cette histoire du déjà-là. Est-ce que la question par exemple, en architecture, de concevoir avec un déjà-là, qui est une des grandes approches qu'on avait d'un point de vue écologique, peut-être en design aussi, peut-être en urbanisme, il y avait commencer à regarder d'un point de vue contextuel. Et puisqu'on sait que le contexte va changer, qu'est-ce qu'on fait avec ça? on ne va pas non plus revenir à des approches non contextuelles, de tabula rasa ou de conception hors sol. Et en même temps, on sait que ce qu'on regarde, en grande partie, ne sera plus là à court terme. Et donc, on est aussi là dans des questions qui, moi, m'intéressent, en tout cas, de théorie de l'architecture, théorie de la conception. Comment on a des nouvelles méthodes de conception adaptées à un siècle dans lequel c'est ni la tabula rasa, ni la contextualité passée et présente, mais une contextualité qui n'est pas encore là. Et ça nécessite peut-être des outils, comme ceux qui ont été développés, je pense à Donna Haraway avec la narration spéculative, à tout un tas de données qui ne sont pas que des sciences de la prospective auxquelles on assiste aussi aujourd'hui, parce que la prospective comme science, ça a quand même bien 50-60 ans, et c'est un outil gouvernemental. Ce n'est pas non plus la chose la plus révolutionnaire qu'on ait à se mettre sous le coude, mais peut-être que voilà, il va falloir se réarmer avec des outils qui viennent de l'écoféminisme, qui viennent peut-être aussi de ces mondes que tu décris, de la construction légère, des ZAD, des communautés autonomes, et qui jusque-là, franchement, ont été très largement ignorés par les mondes de l'architecture, qui a dit du haut d'une certaine suffisance que ça n'était pas de l'architecture, que cet habitat léger, il ne rentrait pas dans le cadre de la discipline, il n'avait pas à être théorisé, n'avait pas à être décrit, n'avait pas à être mis en histoire, et les architectes n'avaient pas à s'intéresser à ça. Ça n'était pas digne d'eux, et vice-versa. Et c'est le sens même du mot architecture, en fait, qui vibre à partir du moment où on dit tout ça. Et c'est aussi un gros chantier commun qu'il faut prendre ensemble, avec peut-être ce premier postulat que déjà on ne sacralise pas les mots, quoi, mais qu'au moins on peut définir l'architecture de la manière dont on l'entend. Je pense que c'est une des grandes forces de territoire pionnier en France, pour moi, que d'avoir largement investi des zones de l'architecture en disant que c'était de l'ordre des missions de votre association, que de faire ça, alors même que jusque-là, la plupart des maisons de l'archi ne s'occupaient pas de ces choses-là. Enfin voilà, il y a une réouverture du jeu qui est bienvenue, quoi. Est-ce que tu voudrais bien rebondir sur cette question écoféministe gentiment soulevée par Mathias? Est-ce que l'écoféminisme, nous est utile dans tout ça? Et si oui, comment? Est-ce que l'architecture est patriarcale? Ça, c'est une première question. Comment ne le serait-elle pas? Est-ce que construire en dur, construire en mou, construire pour l'éternité, construire en fonction des besoins? Et en fait, moi, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est l'architecture vernaculaire, justement, parce qu'on a en commun un auteur qu'on adore qui est Illich. Et il se trouve que les écoféministes, effectivement, elles s'interrogent cette façon très patriarcale de créer des institutions. Et donc de créer des institutions donc avec des sites architecturaux, des institutions qui sont fondées sur des institutions pyramidales avec un chef, un homme évidemment, et puis ça descend vers le menu peuple, et puis en bout de chaîne, on a une femme qui fait la cuisine, en fait, ou qui a arc-bouté dans un champ pendant que l'homme est embauché à l'usine, puisque c'est ça l'histoire de la modernité du nord au sud, globale. Et donc, en fait, ça fait que l'architecture vernaculaire, qui, elle, a pour fonction de répondre aux besoins avec les forces en place de la maisonnée, et qui est, en fait, même si elle peut être en pierre, est légère, au sens où on construit, on fait des adobes, on en met dans un coin, et puis quand c'est prêt, on construit les tables, et puis si on n'en a plus besoin, ça se détruit, et puis ça se recycle, et c'est pas... Donc en fait, il y a une adaptabilité, quand je dis habitat léger, c'est aussi capacité de réemploi, et le béton, à ma connaissance, à part en parking, ça se réemploie pas beaucoup. Donc il y a vraiment là quelque chose, peut-être, qu'on pourrait opposer entre des formats vernaculaires adapté à tout type de mains et d'architectes, ces fameuses maisons sans architectes, dont les femmes étaient, enfin, tous les genres, en fait, de la maisonnée étaient partie prenante, et fabriquaient ces maisons autour d'une pièce commune, du reste, hein, c'est pas le bureau de monsieur, par exemple. C'est la pièce centre commune. Et là, c'est très typique aussi de ce genre d'architecture. Et là, un habitat léger, en général, c'est souvent une pièce unique, parfois, et une pièce commune. Et donc, on revient à des choses qui matérialisent le commun. Et donc, oui, l'écoféminisme, ça, en tout cas, celui qui s'intéresse aux questions de subsistance, essaie de réécrire l'histoire de cette catastrophe qui est de la fin de, des sociétés paysannes avec des formes d'autogouvernement, de redistribution des tâches et de capacité aussi dans le travail de pouvoir dire non, cet outil ne me convient pas, tu le refabriques. Ça, c'est, tout le monde doit le faire parce que là, c'est impératif de faire pour la subsistance commune cette tâche que j'appelle les foins, par exemple. Je ne pense pas que vous ayez, vous, été convoqué pour faire les foins dans votre village, peut-être de celui de, dans lequel vous habitez pas trop loin, alors que c'était une évidence pour plein, tous les sexes, tous les genres, et toutes des maisonnées qui vivaient encore avec ce type d'impératif vital. Et donc là, il y a effectivement quelque chose autour de d'une société qui est devenue vraiment orientée sur le schéma pyramidal, mais qui vont avec les bâtiments du même nom, les mêmes types de fabriques, de lieux, par exemple, politiques dédiés, quand on va dans des sociétés qui sont du côté des sociétés vernaculaires, ou quand on va dans des collectifs de vie, ben, en fait, on ne crée pas une assemblée, en fait. C'est la cuisine, c'est la pièce commune, et qui est multifonction, dans laquelle on peut aussi bien finir d'écosser les haricots que de garder les gamins, de faire rentrer un chat parce qu'il y a une souris à prendre, et que de discuter de l'avenir de ce collectif où tout le monde s'écharpe. Et ça, ça veut dire que le lieu politique du vivre ensemble est un lieu articulé à la domesticité, enfin à la nécessité d'accomplir des gestes vitaux de subsistance. Et donc ça effectivement, c'est une autre distribution des pièces. Et ça peut se faire aussi bien dehors, d'ailleurs, au moment de faire quelque chose, parce que tout le monde doit faire à ce moment-là une activité. Donc je pense que l'écoféminisme nous invite à vraiment sortir d'une idée que la politique devrait avoir des espaces-temps dédiés, et parce qu'en fait, ça correspond à une vision hyper patriarcale de l'organisation des sociétés, et qui donc met au rebut cette chose qui est devenue maintenant la chose domestique, et donc qui serait dans les cuisines, alors qu'avant elle est plus tard, et dans d'autres expérimentations politiques comme les expérimentations anarchistes, pour ne pas les nommer, c'est un geste central que de tenir le geste de la coordination politique et le geste de subsistance collective en même temps. Donc si les espaces ne peuvent pas répondre à cette nécessité, à mon avis, ça va être problématique. Ouais, c'est chouette de t'entendre, ça fait émerger plein de choses. Alors j'en saisis une au vol parmi d'autres. C'est vrai que le vernaculaire que t'évoques, pour nous en architecture, il est particulièrement craint. Il est souvent remis sur la table, il est souvent fantasmé et regardé. Et franchement, il serait complètement faux de dire que les architectes ne le regardent pas. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de... Je vais pas lancer des chiffres au pif, mais enfin, moi, dans les écoles d'architecture, en tout cas, c'est une discussion récurrente avec les collègues, avec les étudiants, le vernaculaire. Et c'est pas du tout de quelque chose qui est dénigré. Pour autant, on peut pas nier que c'est quelque chose qui nous met fondamentalement en porte-à-faux, puisqu'on définit le vernaculaire, en tout cas chez nous, comme ce qui n'appartient pas au ressort de l'architecte. Donc c'est tout ce qui nous échappe. Et donc, au bout d'un moment, nécessairement, on ne sait plus quoi faire avec, puisqu'il finit par nous rappeler qu'on n'est pas indispensable, voire que parfois on est contre-productif ou inutile, enfin voilà. Et en même temps, peut-être que la question que je me pose, moi, en tout cas, depuis quelques années, régulièrement, et je pense qu'on est très nombreux à se la poser une fois de plus, c'est pourquoi continuer l'architecture, quoi. Pourquoi continuer à être architecte, à l'enseigner, à le pratiquer, à le théoriser, à écrire dessus? Pourquoi pas juste arrêter, justement, et s'investir soi-même en tant qu'habitant vernaculaire, et puis voilà, laisser les gens faire ce qu'ils ont envie de faire. Alors forcément, si je reste architecte et que je continue à l'enseigner, c'est que je crois, peut-être un peu naïvement, à la possibilité d'une synergie entre les deux et d'une réinvention de l'architecture, justement une redéfinition du mot et puis des pratiques, qui fait qu'on serait au mieux plus nuisible, on serait plus dans cette catégorie qui a été bien décryptée, je crois, par les sociologues au XXe, de l'expert, quoi, de l'expertise qui dépossède, Illich et pas que, parce que là, on est encore souvent dans cette catégorie-là, quand même. Et les architectes, pour une bonne part, voient d'ailleurs pas le problème, parce qu'ils défendent une qualité dont ils seraient les seuls porteurs. En tout cas, ça, c'est le message qu'on leur a enseigné, ce qui était leur rôle même au sein de la société. Donc ils se définissent comme experts, en fait. dans le pire sens du terme, et il ne voit pas le problème. Je pense qu'on pourrait largement, au regard de ce à quoi on assiste dans les écoles, qui sont quand même des oasis incroyables, où on a aussi, peut-être qu'on a sous les yeux là, c'est-à-dire aussi des arts de représenter la transformation, des arts de la penser, de la conceptualiser, de la mettre en scénario et de visibiliser ces scénarios, de les spatialiser. C'est pas complètement fréquent les mondes qui savent spatialiser les problèmes. Et je pense que les mondes de l'architecture savent faire ça. On entend architecture au sens large du terme dans ce que je dis, urbanisme et compagnie. Et ça, peut-être, c'est une capacité dont on a besoin pour réancrer justement les choses. Et en ça aussi, ça recoupe des problématiques biorégionalistes qui cherchent quand même toujours à faire redescendre un peu dans des situations les choses. Et peut-être encore qu'une des façons de sauver l'architecture, parce que j'essaye en fait de la sauver en disant tout ça, tout en la métamorphosant, ce qui est paradoxal, c'est-à-dire qu'on, d'un côté on la tue, mais on la sauve quand même, mais sous une autre forme, enfin bref. Peut-être qu'il faudrait la sortir de cette acception un peu patrimoniale, ce que tu évoquais au début, quoi, l'héritage du père, le monument, la cristallisation des aspects les plus dominants et de la société, qui a été quand même son rôle pendant assez longtemps. On pourrait aussi la sortir d'un autre paradigme, qui serait celui un peu régionaliste, de ce que j'appelais tout à l'heure l'insertion paysagère, mais voilà, est-ce que notre rôle, si ce n'est pas celui du monument, ça doit forcément être celui d'un régionalisme dans le sens le plus conservateur et kitsch du terme, parce qu'il y a aussi tout un tas de gens qui s'envisagent comme ça. Je pense qu'on peut s'inventer dans une troisième voie, qui est celle plus écosystémique de la mise en synergie, et que ça rejoindrait là quand même une des façons de faire vernaculaire d'un écosystème territorial. J'ai autour de moi des super exemples d'architectes qui arrivent à faire ça aujourd'hui, même au sein de commandes républicaines, et pas que de collectifs anarchistes, même s'il y a aussi ça, bien sûr. Comme quoi, on peut aussi subvertir l'ordre de la commande républicaine pour y insérer d'autres choses, et notamment en travaillant avec les ressources locales, mais pas que en utilisant des ressources qui existent, ce qui est déjà pas mal. Hein. Je pense notamment au studio Lada, je crois que vous avez reçu il y a quelques temps, qui dans l'année le grand dernière, ouais. L'année dernière, oui. Oui, c'était récent. Et je ne sais pas si vous en parlez de ce qu'ils font à Neuf Maisons, qui est une création de filière. En fait, ils ont profité d'avoir gagné un concours pour monter une filière en terre crue qui n'existe pas dans le Grand Est. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de l'aventure, mais c'est en train de se faire. Ça prend du temps, mais ils ont réussi. C'est-à-dire que par là, ils ont formé des artisans qui, du coup, sont en train de transiter, de passer de la maçonnerie en parpaing à la maçonnerie en terre crue, et que c'est l'argent public, d'une certaine façon, qui permet de former les gens à autre chose. Alors qu'au départ, évidemment, l'argent public était fléché pour construire un bâtiment, quoi. Donc c'est quand même une forme de détournement stratégique assez malin, et qui me semble super utile à garder en mémoire sur cette histoire des ressources. C'est vrai que les domaines de la philosophie voient le mot de ressources de façon très négative, à juste titre, et ressources, c'est ce qu'on exploite, quoi. Et donc, parler de ressources en architecture, qu'est-ce que c'est, si ce n'est reconduire une vision un peu extractiviste du monde, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. En architecture, on voit la chose un peu différemment, parce qu'on est coincé avec l'idée de ressources. De toute façon, il va bien falloir des matières pour bâtir. On ne peut pas sortir de ça, quitte à ce que ce soit de briquet de broc, comme tu le redisais, enfin, des ressources, voilà, faire au mieux avec ce fait qu'il va nous en falloir. Mais sur l'idée de ressources, une fois qu'on a dit ça, on a aussi donc cette idée de qu'est-ce qu'on va chercher au mieux d'existant. Et là, cet exemple des studios Lada nous rappelle qu'on peut inventer quelque chose qui n'existait pas, même sur l'idée des ressources. Je trouve ça formidablement utile pour répondre au problème précédent qui était d'observer des contextes qui vont disparaître, quoi. On peut faire contextuel, mais changer le contexte, en fait, par la commande, d'une façon qui n'est pas, une fois de plus, monumentale, impérialiste et dominatrice, en disant « je le change parce que mon bâtiment va transformer les territoires lui seul de façon spectaculaire », mais le changer de cette façon synergique, quoi, d'écosystème. Tu évoquais tout à l'heure, Geneviève, la maisonnée à plusieurs reprises, et c'est une notion que je trouve vraiment très belle dans la manière dont tu l'emploies, très forte aussi, très puissante, et je trouve que ça fait pas mal d'écho aussi à ce que Mathias dit, mais peut-être par le milieu, quoi, en revenant par en bas, depuis la cuisine, et du coup, mais qu'est-ce que c'est qu'une maisonnée? comment tu l'as définie, et c'est une notion qui est très large dans la manière dont tu l'utilises, donc je voudrais bien que tu nous parles un peu de ça. Alors la maisonnée, c'est un concept très familier pour les anthropologues déjà, parce qu'en fait, quand l'invention de la famille nucléaire est très récente, et ça commence vraiment, enfin, au Moyen-Âge, ça se met lentement en place, mais c'est surtout, ça démarre très fort avec le capitalisme, qui a besoin de familles très réduites, qui ne sont pas dans la fabrique collective, justement, pour qu'elles deviennent des lieux de consommation, en fait. Et or, c'est une invention hyper récente, qui est complètement liée à la modernisation industrielle, mais quand on regarde le reste du monde fonctionner, on parle de villages, mais en fait, les villages, c'est des maisons, c'est des maisonnées qui sont en synergie les unes avec les autres. Les chasseurs-cueilleurs, c'est des maisonnées qui voyagent ensemble. Et donc, après, les maisonnées prennent des formes architecturales très différentes, des maisons longues, la pièce à vivre unique qu'on peut trouver. Mais ce qui est surtout important de retenir, et c'est ce qui m'a frappé, c'est le mot qui me vient maintenant pour désigner beaucoup de collectifs de vie, c'est que ce qui fait le fondement de ce collectif, c'est le fait d'habiter un lieu ensemble, mais ça ne suffit pas encore. D'habiter un lieu et de fabriquer ensemble de quoi tirer une forme de subsistance commune pour tous les membres de la maisonnée. Et ces membres de cette maisonnée, ils sont apparentés potentiellement, mais pas que. Ils peuvent être non apparentés. C'est des êtres humains, mais il y a beaucoup d'animaux. Et typiquement, nos maisonnées contemporaines, je ne crois pas que parmi vous, il y a des personnes qui aient une vache domestique, mais il faut se dire que ce qu'on appelle un petit paysan, ils avaient deux vaches, et voilà, ça faisait partie de la maisonnée. Et quand on dit famille, c'est une maisonnée au sens où tout, il faut bien que toute la maisonnée prenne soin des vaches, et les vaches prennent soin aussi en nourrissant. Enfin bref, donc il y a des animaux, des plantes, donc c'est une famille interspécifique. Mais la grosse différence par rapport à la famille, c'est qu'elle n'est pas orientée sur le lien d'affection. C'est que si lien d'affection il y a, parce qu'il y a lien d'affection, il se fait à la faveur du fait d'être dans la fabrique collective. Et donc ça, c'est très très important. Et donc quand on va dans une maisonnée, quelle que soit sa forme, ce qui unit les habitants, c'est qu'ils habitent et fabriquent des trucs ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui donc n'a rien à voir avec une famille. Parce qu'une famille, elle ne fabrique pas sa subsistance aujourd'hui. Enfin, je veux dire, dans la société de production-consommation dans laquelle on est. Et donc, de réintégrer la maisonnée comme un échelon de politique où qui a été très souvent décrié comme autarcique. On dit, oui, ceux-là, ils peuvent vivre entre eux parce qu'ils ont tous les corps de métier. Quand on est dans une ferme, effectivement, il y a quelqu'un qui s'occupe des chevaux, qui est capable de faire des menuisiers. La fameuse polyvalence paysanne a été, par rapport à l'ouvrier spécialisé, a été vraiment, parce que précisément, c'était un petit monde fourmillant de gens dont on a beaucoup décrit la pyramide avec de la domesticité, Cosette, hein, on y a enfin, des gens très exploités, enfin, ne parlons pas de l'usine dans ces cas-là, alors là, on a un maximum de l'exploitation aussi. Et donc, ce que je veux dire, c'est que sans enchanter du tout ces maisonnées d'antan, c'est juste pour rappeler qu'il y a une manière d'habiter le monde qui nous est malheureusement devenue étrangère, qui est donc celui d'avoir pour mission de cohabiter activement dans un lieu, pour le lieu, et que le lieu vous survive. C'est-à-dire que le but de la maisonnée, c'est pas de détruire son lieu de vie, c'est que ce lieu vous survive, quels que soient les habitants d'après. Et quand vous faites de la sociodémographie sur des sociétés paysannes, notamment en fermage, les gens, ils bougent tout le temps de ferme, en fonction des besoins, en fait, mais ils laissent pas un champ de bataille derrière eux, comme nous, on laisse de l'amiante. Il faut que la maisonnée, que la suivante soit réhabitable très vite. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est le principe même de circulation. Et c'est pareil pour les chasseurs-cueilleurs. Donc, pour moi, la maisonnée, c'est un rouage politique indispensable qui replace et qui redonne toute sa valeur politique, en fait, à des petits regroupements humains qui ne sont justement pas qu'humains et qui sont totalement ancrés dans un territoire sans y être nécessairement nés du reste. Et ce n'est pas des natifs qui habiteraient leur terroir et qui seraient enracinés dans leur maisonnée. La maisonnée, elle est mobile et elle appartient à ses habitants et c'est plutôt les habitants qui appartiennent à la maisonnée. Et on est très proche du biorégionalisme où on appartient. C'est le lieu, c'est pas vous qui possédez le lieu, c'est le lieu qui vous habite, et c'est à vous de qui êtes en charge, qui soit encore habitable pour autrui. Ça permet donc aussi de décomplexer l'action politique pour celles et ceux qui se disent mince, j'ai pas trouvé un grand collectif, ou j'arrive pas à m'engager dans une association d'ampleur nationale. Moi, je suis juste à tisser des trucs dans mon quartier, dans mon voisinage, à un bout avec principalement ma famille, mais aussi des voisins. Et se dire, mais si ça, c'est une maisonnée, et ben en fait, ça permet aussi pour moi d'être un rouage politique pour des tas de gens qui vont pas s'engager dans le répertoire politique tel qu'on a l'habitude de le... qui est justement est coupé de la maisonnée. Et si on se dit ma cuisine, ben en fait c'est un endroit où je peux faire des tas de réunions d'échanges de graines, etc. Et donc quand on va à Notre-Dame-des-Landes, typiquement, qui peut paraître sur un front bien avancé de la confrontation avec l'État, avec un E majuscule, avec les forces de l'ordre, en fait on rentre dans une multitude de maisonnées où la cuisine est le lieu central aussi d'activité. Et donc, c'est moi ce qui m'inspire dans les maisonnées politiques. Merci beaucoup. Et ça, Mathias, ça fait quand même tout un tas d'échos avec les territoires du vivant, avec tout ce que tu as essayé de poser sur une approche, je ne sais pas comment l'appeler, éco-centrée de l'architecture pour arrêter d'employer le mot biorégion, mais peut-être aussi pour là aussi élargir. Je te laisse rebondir, vas-y. Ouais, je ne sais pas si réagir sur... le « ou » et la toponymie, ou alors sur la xénophobie, ou alors sur les animaux. Pour les animaux, on parlera du « ou » après. Des animaux. Parce que tu as parlé de communauté interspécifique, et donc effectivement, j'avais envie de rebondir là-dessus. Je crois qu'il y a un large consensus aujourd'hui dans les chercheurs et chercheuses, parce que c'est aussi beaucoup des femmes, qui enquêtent sur les questions de domestication, justement, sur le fait qu'on ne dit plus « domestication », parce que ça n'a aucun sens. On dit coévolution, dans le sens où, en fait, ça n'a jamais été unilatéral. On n'a jamais transformé une autre espèce que la nôtre, de façon neutre au regard de nous-mêmes. On a coévolué au contact d'animaux qui ont bougé autant que nous. Et on a juste vécu au fil des générations et des millénaires ensemble. Et donc, il y a plein de théories là-dessus, multiples, sur la façon dont, non seulement, peut-être, on aurait fait passer le loup de loup à chien, mais nous aussi, en fait, on aurait eu des impacts même physiologiques, morphologiques très importants du fait de cette proximité systématique quotidienne pendant des centaines, je crois, si je dis pas de bêtises, au moins des dizaines de milliers d'années, voire des centaines de milliers d'années, avec ce qui était des loups puis des chiens. Je vais pas entrer dans ces détails-là, mais c'est vrai que cette histoire de coévolution, on peut se demander si ça fait donc consensus et que c'est vrai, et que en tout cas c'est intéressant d'y penser. En quoi est-ce qu'on coévolue encore consciemment, volontairement, physiquement, avec d'autres espèces qui seraient à notre contact? On voit bien que c'est plus beaucoup le cas. Et qu'en fait, c'est un fait, je crois, anthropologique majeur dans l'histoire de l'humanité. Ça ne fait que quelques décennies que c'est le cas. En fait, depuis toujours, on a vécu au contact d'animaux de façon permanente. Et aujourd'hui, les animaux sont complètement invisible de nos métropoles, de nos villes, et même de nos villages et de nos campagnes, d'une certaine façon. Quand, au mieux, on passe à travers sur des routes, avec une certaine vitesse en général, parce qu'on est en train ou en voiture, et ben peut-être dans un champ, on voit des vaches, dans un champ, on voit au mieux des moutons, des chevaux, et quasiment c'est tout. Et dans la rue, peut-être en ville, on verrait des chiens, des pigeons, et c'est tout. En fait, nos communautés interspécifiques actuelles sont une extrême pauvreté. Et ça, c'est nouveau dans l'histoire, je crois. Et c'est un fait, quand même, du coup, qu'il faut prendre au sérieux. Je crois que avoir en tête cette histoire de Pat Chipman, par exemple, qui est un anthropologue américain, dit « Sans les animaux, le monde ne serait pas humain ». En fait, d'une certaine façon, nos villes sont inhumaines, parce qu'elles ne sont plus qu'humaines. Et cette humanité appauvrie, là, je crois que la communauté interspécifique que tu évoques, c'est à la fois un moyen et une fin. C'est un outil pour en sortir et un horizon à viser. Dans ton ouvrage, tu parles de rythme-analyse, et peut-être que c'est important aussi de ce point de vue-là aussi. Moi, je trouve quand même qu'être au contact d'animaux, ça porte à un autre rythme, de façon implicite, inconsciente, mais quand même, Mon chat chez moi, je sais pas, il me fascine, il ne fait rien. Ça, c'est un... Et c'est pas, il n'y a pas que le chat qui fait ça. En fait, c'est un truc qui a déjà été soulevé par des chercheurs sur les animaux. Les grands mammifères, le truc fascinant quand on étudie les grands mammifères, par exemple, c'est qu'ils passent le plus clair de leur temps à ne rien faire du tout. Même pas dormir. Ils attendent, enfin, ils vivent, quoi, en fait. Et, je trouve ça fascinant dans le monde moderne liquide accéléré dans lequel on vit, de se rappeler qu'on peut vivre une vie terrestre de grands mammifères, puisque nous sommes aussi grands mammifères de cette façon-là. Je finirai en disant que la plupart du temps, quand j'ai évoqué ce genre de choses avec mon entourage et mes collègues, il y a un imaginaire qui revient, un imaginaire que je trouve très hygiéniste. Et qu'on a vu ressurgir d'ailleurs avec le Covid, les animaux seraient porteurs de maladies, les zoonoses, voilà, tout ça se transfère. Et donc en fait, heureusement que oui, les abattoirs sont partis des métropoles et qu'on vit loin des animaux pour des questions sanitaires. Alors là, bon, j'ai ouvert une grosse boîte de Pandore, mais l'exemple auquel je voulais atterrir en disant ça, c'est que en parallèle de cet imaginaire-là, la plupart des gens, par exemple, quand on leur dit « mais on pourrait revivre avec des grands mammifères au sein de nos métropoles », trouvent que c'est une utopie. Ben, il existe une ville au Japon dans laquelle j'ai été, et je vous invite à aller si vous avez un énorme bilan carbone, ou beaucoup, beaucoup de temps pour y aller, qui s'appelle Nara. Et à Nara, il y a des milliers de biches qui vivent dans la ville. Et c'est une petite métropole, c'est l'équivalent d'une métropole française, quoi. Il y a des milliers de biches qui vivent en liberté au centre-ville, dans les parcs, mais aussi dans les rues. Donc dans les rues, sur les trottoirs, on voit des biches passer. Et ça ne génère pas de maladies, ça ne génère pas de questions sanitaires ou hygiéniques problématiques. Au contraire, ça génère de l'économie, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de touristes qui viennent voir ça, et en fait, elles sont considérées... Elles sont un peu sacralisées, bien sûr, ça pose d'autres problèmes, et je ne veux pas faire l'éloge non plus de ce cas-là. Mais enfin, c'est pas qu'un imaginaire. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas qu'un imaginaire, soit du passé, soit de pays qu'on appelle sous-développés, qui n'auraient pas pu encore accéder à un point de détachement des animaux, quoi. En fait, non. Même dans des pays qu'on dit développés, dans des métropoles, il y a cette coexistence. Et franchement, elle est heureuse. Enfin, moi, je pense qu'on aurait tout intérêt à la prendre au sérieux, parce que ça réouvrirait peut-être ce qu'on disait tout à l'heure, de se dire, bah, peut-être que même dans les métropoles, du coup, ça offrirait un moyen d'un milieu avec lequel on peut interagir et se transformer profondément, même si on ne peut pas y ouvrir de potager. Mais on peut peut-être y partager plus de place avec les animaux. Ça, c'est peut-être possible. J'ai un souci, c'est que je suis très orientée par la subsistance. Et donc... On peut les manger, si tu veux, de temps en temps. Non, mais du coup, ça pose toutes les questions de comment tu construis un lieu dans lequel la subsistance ne se trouve pas à 150 km. Et aussi bien, la subsistance, c'est pas que manger, c'est bâtir, c'est tisser. Hein. On a perdu complètement l'autonomie textile. Je crois qu'aujourd'hui... Enfin, voilà, ça, c'est un autre problème, encore, mais qui est le même. Et du coup, ça pose après la question de si on fait place à tout un nouveau bestiaire, enfin, un nouvel... C'est donc d'autres métropoles... C'est la démétropolisation, en fait, parce que le... Une vache, hein, même si ça a quand même besoin de... Enfin, les vaches laitières qui ont été introduites à Paris, j'ai un collègue historien qui travaille là-dessus, sur les vaches au 19e siècle à Paris. Elles ne dorment pas, elles sont dans des étables très étriquées, c'est l'élevage intensif dans Paris. Hein, et elles meurent, elles font une saison. Et donc, non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, ça pose la question du territoire habitable par ces bêtes. Et pour vivre avec nous, et nous vivre avec elles, et pas simplement les mangeant, et certainement pas du tout en les mangeant aussi, enfin, je veux pas heurter ici les... Vraiment, pas du tout, mais donc ça implique quand même cette coévolution. Là, comme tu dis, on a fait en sorte d'avoir un chat qui ne fait rien, mais en fait, la nuit, il passe sa vie à taquiner la souris quand même. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de souris? Qu'ils les mangent même pas. Enfin, c'est tragique. Des animaux qui ne mangent pas des souris. On en est arrivé à ce type de coévolution-là. Pendant que moi, les campagnols détruisent mon potager. Donc, voilà, il y a quand même des soucis. Ils ne sont pas au bon endroit. Non, ils ne sont pas au bon endroit. Puis voilà, il n'y en a pas assez. Et donc, c'est pour ça que je pense que ça pose des questions. On revenait aux architectes, aux urbanistes. qui comme ils n'ont pas cette idée-là que la subsistance doit être à portée de main, parce que c'est en fait la seule manière, de mon point de vue, là, d'enrayer la société de production-consommation qui conduit à la catastrophe vers laquelle on est déjà et vers laquelle on va assurément. Et ben donc, il faut donc un métier d'avenir qui s'appelle tractopéiste pour détruire énormément d'endroits bitumés, pour refaire des corridors un peu viables pour énormément d'animaux, de végétaux qui n'ont plus leur place. Et que ça ne se trouve pas dans un jardin partagé entre l'autoroute et la dernière... vous voyez, c'est vraiment au pied de chez soi. Parce que quand on a des enfants, quand on doit s'occuper de personnes vulnérables, on ne fait pas 3 km avec... il faut que ce soit au pied de chez soi. Donc en fait, à partir du moment où on intègre des questions féministes aussi dans la construction même de l'accès au territoire de subsistance, et ben là aussi, ça remise les distances immédiatement au territoire du proche. Et donc, ça fait une toute autre conception de l'espace vital, qu'il n'est pas simplement vital d'imaginer à l'échelle collective, mais si on raisonne à l'échelle des maisonnées, encore une fois, si on doit... les limaces, elles, c'est toutes les nuits qu'elles viennent. Donc, si vous n'êtes pas là toutes les nuits à la frontale pour les enlever, vous allez vous être débordé. Or, si vous faites ça une semaine, après, vous en avez beaucoup moins. Enfin, je pose des questions hyper pratiques, excusez-moi. Mais c'est juste que c'est pour vous dire que, du coup, vous n'allez pas dire à une personne âgée ou quelqu'un qui a 5 personnes en charge que ça, elle va le faire à 4 km en prenant sa voiture. Enfin, voilà, c'est pas possible. Donc, moi, j'ai des idées très... Et t'as raison, et c'est bien que tu précises que cette histoire de subsistance, elle est alimentaire, mais tu l'as suggéré aussi, elle est aussi se vêtir, enfin... Peut-être, c'est une question, en fait, et tu voudrais développer ça, en fait, c'est tout un monde d'une autonomie qui n'est pas autarcique, mais enfin, d'une capacité à faire monde, en fait, que tu évoques là, par la subsistance. Il y a un conte de fées extraordinaire qui est la Belle au bois dormant, dont vous savez que pour la réveiller et éviter qu'elle se... qu'elle sombre, il faut que tous les rouets des villages soient brûlés dans la cour du château. On ne peut pas faire métaphore plus magnifique du lancement du capitalisme. Avec le texte, voilà. Donc là, on brûle tous les rouets, on va à l'autre bout du monde, on a des plantations de coton, on met une partie de l'Afrique en esclavage, et hop, on a du textile qui nous revient. Et ben ça, c'est... La Belle au bois dormant. Et la femme est réveillée par son magnifique prince. Donc on est dans on a tout, là, l'hétérosexualité, le tout, la femme objet, et l'outil. Et comme par hasard, le textile, il se trouve que c'était un truc super... Enfin, c'est une activité typiquement féminine dans la division genrée du travail pas dans toute l'humanité, mais dans une grosse partie du monde. Donc oui, l'autonomie textile, c'est un truc fou, parce qu'en plus, ça impliquait d'avoir effectivement des boutons qu'on n'a plus, qui sont en Nouvelle-Zélande, mais donc tout un travail qui met en union des bergers jusqu'au fait de laver la laine, jusqu'au fait de les fameuses veillées. Donc tout ça, ça paraît un truc de conte de fées ou un retour en arrière effrayant, mais en fait, c'est une chaîne de travail monumentale qui a en plus pour capacité assez extraordinaire qu'elle peut se faire en discutant. Enfin, vous voyez, vous envoyez plein de gens. Moi, je prends le RER du temps où je prenais... quand j'étais... beaucoup de femmes tricotées, par exemple. Je pense que c'est un truc un peu disparu, mais enfin, en tout cas, pour prendre dans le RER, j'en vois moins. Et du coup, c'est typiquement en plus des activités où vous pouvez refaire le monde, là, et faire une mise au point importante, politique, tout en ayant les mains occupées. Donc, l'autonomie textile, en plus, moi j'ai travaillé sur les sages-femmes par exemple, et il y a des sages-femmeries, la naissance alternative, il y a un obstétricien complètement alternatif qui disait la meilleure sage-femme qu'il avait rencontrée c'était celle qui tricotait en disant, parce qu'en fait c'était un truc super répétitif, très très posé, et ça aidait beaucoup la parturiente à se décentrer complètement et être dans ce truc répétitif hyper simple, je retisse le monde continue de se tisser, en fait. Voilà, ça, c'est vrai que l'autonomie textile, je pense que c'est un point important, assez salutaire. Mais c'est dans toutes les alternatives écologiques, rurales, radicales que j'ai étudiées, c'est très franchement le dernier poste d'activité qui est remis en route. Parce que là, c'est une grosse chaîne. Puis on a tellement de déchets textile, en fait, que, bon, on ne fait pas la priorité pour l'instant. Et là, tu abordes aussi la question de la santé, qui est une question majeure aussi sur la question des autonomies, parce que, enfin, pareil, la chasse aux sorcières, globalement, ça a surtout été ça. Ça a été créer la désappropriation des savoirs de santé, de soins médicaux, etc. L'écoféminisme s'est beaucoup intéressé à ça. La question enfin, voilà, du soin, en général, elle est assez centrale. Et Mathias, comme Geneviève a prononcé le mot sage-femme, je me permets de te lancer la perche, mais tu évoquais cette idée des liens entre le biorégionalisme et la figure de la sage-femme. Tu nous racontes un peu? Ouais, je le vole pas à une autrice parce que je la cite, donc je tiens d'une empreinte. Je me hisse sur ses épaules, comme dit l'autre. C'est une femme qui s'appelle Stephanie Mills et qui était une des biorégionalistes de la première heure, en effet, qui a eu beaucoup une activité. Alors, peut-être que j'anticipe une question que je te pose pour la fin. Est-ce que la restauration écologique, c'est une forme d'activité de subsistance collective? Parce que quelque part, enfin, elle s'est beaucoup investie dans ce genre de choses-là. Et j'ai l'impression, en t'écoutant et là en repensant à elle, qu'il y a un parallèle. C'est-à-dire que quand elle le raconte dans ses livres, beaucoup cette pratique, elle le raconte comme une pratique, comme sa mise en pratique à elle de ce que c'est le biorégionalisme. Et ça passe par la restauration écologique qui est une forme de prendre soin des milieux dont on tire sa subsistance. Et donc, c'est de la santé des écosystèmes quoi, dans lesquels elle s'engage. Bref, dans un de ses livres, elle a ce mot, elle cite Peter Berg, qui dit le biorégionalisme, il assimile les courants écologiques de l'époque à un hôpital dans lequel il n'y aurait que des urgences. Et il dit le biorégionalisme au sein de cet hôpital où il n'y a que des urgences et la morgue, quoi, en gros, et ben nous, c'est la maternité, quoi, en gros. Et j'ai trouvé cette citation assez, enfin, je sais pas, elle a fleuri dans mon esprit pas mal, j'ai trouvé assez riche. Et je me suis dit, ben alors si le biorégionalisme c'est la maternité, ou la parentalité, on pourrait dire du coup, ben, les biorégionalistes c'est les sages-femmes de la maternité du coup. Et en effet, peut-être que d'une certaine façon, il y a cette analogie, parce que la question est un peu récurrente, mais alors un biorégionaliste c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Et c'est vrai que je trouvais que l'idée de figure, de se dire qu'un biorégionaliste ou une biorégionaliste, c'est peut-être un mélange entre une sorcière, une sage-femme et un hacker. Ben peut-être que ça évoque beaucoup plus de choses que de donner des définitions et que s'engager dans des hybrides de figures ou un ostréiculteur japonais, je pense à Takeyama Shigeatsu, je ne sais jamais quel est son nom, son prénom, mais La forêt, un monde de la mer, c'est pareil. C'est un livre que je vous conseille qui n'est pas estampillé du biorégionalisme parce qu'il n'emploie pas le mot, mais il l'est de bout en bout. Et alors là, c'est quelqu'un qui est pris pleinement dans ce que tu décris aussi. C'est-à-dire qu'au fil de l'écriture, on a une écriture de quelqu'un qui décrit un monde qu'il vit et qu'il habite, quoi, dans les deux sens. Et je vous assure que ça paraît évident dit comme ça, mais en fait, on sent bien dans les pages que c'est très inhabituel et qu'en fait, on est habitué, moi je suis habitué en tout cas, je sais pas quel genre de livre vous lisez, mais moi les livres que je lis, c'est des livres comme ceux que j'écris d'ailleurs, de gens qui réfléchissent, qui écrivent sur des sujets. Et là on a quelqu'un qui raconte un monde, enfin sa vie, il décrit les oiseaux, il décrit les plantes, il décrit les poissons, il décrit le climat, il décrit les sols, mais pas comme un écologue le ferait, comme un scientifique, comme un paysan en fait quelque part, c'est donc un ostréiculteur qui raconte comment, bref. Il a eu après tout un tas d'aventures avec ces sujets-là. Et ça, c'est un bel exemple aussi de ce que c'est peut-être cette subsistance totale mise en acte qui est un prendre soin, en effet, de la santé. Là, c'est vraiment le cœur du sujet. Il montre que pour prendre soin des huîtres, il faut replanter des feuillus dans la forêt au-dessus, puisque le bassin versant est total. Et là, je tends une perche à Marin pour inverser le bassin versant. Marin, tu veux nous en dire un mot? Ah, c'est mon tour alors, c'est la surprise. Ouais, je veux bien, mais du coup, je vais reboucler pour redonner la parole à Geneviève, si tu veux bien. Notamment, en fait, un bassin versant, c'est un fleuve et tous ses affluents. Donc, c'est un organisme vivant, mais un grand organisme, qui est comme un organisme d'organisme, en fait, un super organisme, qui comprend un cycle de l'eau. Donc il y a des pluies qui viennent de la mer, qui vont jusqu'aux sources, et puis il y a des lignes de partage, donc ça tombe d'un côté ou de l'autre d'une montagne, et puis pour peu qu'on tombe d'un côté, on finit à Saint-Nazaire, et pour peu qu'on tombe de l'autre, on finit au Havre. Et ça, en fait, à l'intérieur de ça, sur ces kilomètres-là où l'eau serpente et rejoint toujours les fonds de vallée jusqu'à la mer, il y a des milliards d'êtres vivants différents qui vivent. Et on a l'impression, nous, de ne voir que des humains, bien souvent, avec nos routes, nos lignes THT, nos villes, mais en fait, des végétaux, des animaux, des microbes, des champignons, et toutes les vies qui sont liées aussi aquatiques, et l'eau porte la vie. Donc cet imaginaire-là, c'est vraiment celui de la biorégion, pour le coup, d'un imaginaire éco-centré, de se remettre aussi même dans ces imaginaires à la juste place de ce que c'est qu'être humain au milieu du grand tout de la vie. Et ce qui est intéressant dans l'exemple d'Atakeyama, c'est que l'ensemble des huîtres qu'il cultive dans sa baie au Japon se mettent à mourir à cause d'une pollution industrielle contre laquelle il ne peut rien. Donc ces huîtres disparaissent. Et l'idée qu'il a à ce moment-là, c'est de s'allier avec les communes en amont de la rivière, enfin le petit fleuve côtier qui se jette dans la baie où il a des huîtres, et de convaincre les gens en amont de planter plein d'arbres. Et il y arrive. Il y a des milliers de personnes qui se mettent à planter des dizaines de milliers d'arbres. Et en 3 ou 4 ans, les arbres ont complètement nettoyé la baie et il peut à nouveau faire pousser des huîtres. Et donc, pour le coup, c'est profondément biorégionaliste, sans jamais avoir à le dire. Enfin, c'est ça qui est bien. Peut-être qu'en fait, la biorégion, c'est surtout quand on n'a pas besoin de le dire que ça existe. Et du coup, sur cette question de la restauration écologique sur laquelle Mathias essayait de te lancer tout à l'heure, si tu veux rebondir, parce que je pense que ça fait aussi des tas d'échos avec des choses que tu as pu rencontrer, toi, sur tes différents terrains. Et, enfin, bref, en vrai, comme tu veux. Non, c'est toujours l'idée de quand on pense de façon biorégionale. Biorégionaliste, on pense à l'amont et l'aval des matières, d'où elles viennent et où elles vont. Et dans le d'où elles viennent et où elles vont, il y a l'idée que les matières, la matérialité du monde, enfin les matières, ne naissent pas par enchantement, et qu'il y a toujours dans la matière la capacité qu'il y ait un bout de la matière qui reste, pour refaire de la matière. Donc typiquement, quand ce n'est pas des plantes sauvages, mais des plantes domestiquées, et qu'il faut bien garder quelques graines, que vous avez fait bien soigneusement, monter en graines, pour replanter l'année d'après. Vous ne pouvez pas compter sur le fait uniquement que ça va se replanter tout seul. Ça se saurait si les potagers se replantaient absolument tout seuls. Donc bref, donc, du coup, c'est cette idée qu'il faut garder un bout de matière pour refaire de la matière, ça c'est typiquement un savoir-faire de subsistance de base de toute société paysanne. Donc on tue pas, enfin on garde, enfin pour les animaux domestiqués, il faut bien qu'il y en ait qui se reproduisent. Et alors nous, les êtres humains, on est très au point là-dessus aussi. Et c'est très singulier pour moi que le fait de ne pas s'intéresser au renouvellement de la matière, qu'elles soient vivantes, enfin des matières vivantes, pour ne pas les nommer, et que ça occupe pas plein de conversations et qu'on sache, et que ce soit même soustrait de notre vue, enfin que ce soit même sale, en fait, où on ne doit pas crier, où on ne doit pas avoir de la terre dans sa cuisine, que tout ça soit loin de nos vies quotidiennes, c'est un bout d'humanité, enfin là, pour le coup, c'est d'une étrangeté ou d'un c'est un saut anthropologique, quoi, en fait, que le renouvellement de la matière ne soit plus au cœur de nos existences et qu'elle soit devenue invisible, qu'elle se passe à l'autre bout du monde, et certainement pas quand on marche tous les jours ou quand on vit tous les jours. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a intéressée dans la naissance alternative, c'est que c'était de dire, il ne s'agit pas que tout le monde, c'est pas un éloge de la maternité au sens où ça devient le... C'est que ça préoccupe tout le monde, qu'on veuille ou pas des enfants, qu'on aime ou pas les enfants, qu'on déteste ou on peut détester jardiner, mais qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de garder des graines, c'est quand même très utile. Enfin, donc du coup, c'est de s'intéresser tout simplement, de refaire comme quelque chose, de penser comme politique, ben, la nécessité qui est de le renouvellement des matières, et que ce renouvellement ne se fasse pas de manière à déjà appauvrir de façon drastique les manières de renouvellement, et en plus la biodiversité. Et donc que ce savoir-faire-là, qu'il disparaisse aussi bien de nos cuisines qui pouvaient être salles d'avortement, salles de naissance, salles de récupération des graines, salles de transformation des torchons en serviettes, que toutes ces choses-là disparaissent de nos vies, pour moi, ça participe de remettre donc toute notre existence aux mains d'ingénieurs, de spécialistes, de médecins, qui sont des sorciers, dans le mauvais sens du terme, et qui donc seraient en charge de cette chose incroyable qui est de la vie entière, et de la renouveler pour nous. Et je trouve que là, on s'est dessaisi, mais d'un pouvoir au-delà du pouvoir, qui est tout simplement notre humanité et communauté interspécifique même, qui fait que très peu d'animaux, des vaches sont en capacité de se reproduire sans notre entremise. Hein. C'est des banques de semences. Faut pas, voilà. Donc, du coup, c'est pour moi, ça, c'est un sujet, en tout cas, un point commun que j'ai pu voir dans la destruction des savoir-faire vernaculaires. Et donc, ça me permet aussi de rebondir sur quand on parle de questions écoféministes ou quand on passe de maternité. Enfin, moi, c'est pas tout de suite. On a même réussi le tour de force à en faire un sujet essentialiste. Alors, c'est très fort. Alors que on peut pas faire plus essentialiste que d'imaginer que cette fabrique soit standardisée, privée de nos de variétés, etc. Là, on a créé des essences, justement. Alors que ce dont je parle, moi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus visqueux, beaucoup plus pas du tout standardisable, et pourtant, par contre, qui est essentiel à la vie humaine, à la vie tout court. Donc, pour moi, on touche les limites. Enfin, l'extrême capacité du capitalisme, en fait, à discréditer, en fait, des savoirs en les affublant du terme qui va en faire quelque chose de sectaire, alors qu'en fait, la secte se trouve dans l'autre camp. Donc, c'est assez fascinant. Mathias, tu voulais nous parler du « où ». Peut-être que pour embrayer sur ça, « où agir ?» Mais peut-être que vous pouvez tous les deux y répondre une fois qu'on sait tout ça, et on va laisser aussi un peu de temps à la salle pour des questions, mais rapidement. Ouais, et je voulais parler des flux des matières aussi que tu soulèves, mais je vais essayer d'être rapide sur les deux. J'ai essayé de sauver l'architecte tout à l'heure, l'architecture, et c'est vrai que le flux des matières, je pense que c'est aussi un chantier qu'on pourrait ouvrir en commun, parce que la question de l'adaptabilité des lieux, par exemple, peut-être ça rejoint la question du « où » d'ailleurs, du recyclage, la cyclicité des matières, la prise en compte d'une forme d'obsolescence, parce que aussi, justement, on peut peut-être, en tant qu'architecte, prendre en compte des obsolescences qui vont arriver, du type de celles dont je parlais tout à l'heure, environnementales. Voilà, aujourd'hui, le trait de côte, il est là, on sait que plus tard, il sera un peu plus loin, ça va bouger, donc on fait avec un contexte à obsolescence programmée quelque part. Ou on fait des bâtiments qui ont une capacité d'adaptabilité. On parlera du trait de côte avec les marneurs demain, mais j'ai anticipé un peu, mais c'est eux les vrais experts. Mais bref, tout ça, les architectes, et même parfois des architectures du XXe siècle, d'archistar, etc., l'ont très bien fait. Et en fait, ça me rend espoir dans la capacité de garder quelques références de notre monde qui n'est pas entièrement à jeter. Tu parlais de ne pas soustraire de notre vue les matières aussi, enfin, je le comprends comme ça, pas soustraire le monde de notre vie, en fait. Et justement, en architecture, peut-être que moi, je prône une architecture sincère. Je suis pas le seul. On est nombreux à faire ça, justement pour cette raison-là, une architecture d'un architecte qui serait capable, par sa compréhension de l'édifice, de visibiliser au maximum tout. Les réseaux, parce que du coup, ils deviennent mieux réparables, parce que du coup, on a conscience qu'on vit dans des bâtiments avec des réseaux. Tu parlais d'habitat poreux, mais peut-être qu'il faudrait trouver aussi une porosité au monde tel qu'il est, quoi. Et que si, en l'état, on a des habitats qui sont surtout des assemblages infâme de câbles, de tuyaux, de flux, de courants électriques, de prises, de boutons. Enfin, c'est ça quand même une maison. Rainer Banham me disait déjà il y a 50 ans, ça ne s'est pas amélioré depuis. Bah, peut-être qu'il faut visibiliser ça juste par sincérité pour dire bah, le monde dans lequel tu vis, c'est celui-là. Bah, voilà, il est là. S'il ne te plaît pas, il faut changer de monde. Mais en tout cas, ne pas le cacher, quoi. Arrêter de cacher les choses. Parce que du coup, cacher les choses, comme on fait aujourd'hui dans les frigos énergétiques qu'on nous demande de faire, en rajoutant des couches, puis des couches, puis des couches, puis à la fin une couche de décoration qui masque tout le reste, bah, ça fait qu'on peut tout mal faire, quoi, et qu'il suffit que la dernière couche soit bien foutue pour que tout le reste puisse être fait n'importe comment. Rendre visibles les choses, c'est se forcer aussi à les refaire bien. Et puis c'est aider évidemment à une conscience, parce que l'assemblage bois, on l'a sous les yeux tous les jours, et que peut-être inconsciemment, même quand on n'y connaît rien, bah, on finit par y connaître quelque chose parce qu'on l'a vu toute notre vie, cette charpente ou cette... Et que c'est pas pareil, peut-être, en termes de co-conscience des choses. Et que là, encore une fois, l'architecte, il a peut-être une capacité à gérer le « ou ». Oui, bah, c'était l'idée qui a été encore mieux développée dans le quotidien politique, mais qui était évoquée dans Topophile il n'y a pas longtemps. De chercher, pas toujours, des comment on peut transiter, comment on peut entrer en rupture, comment on peut se métamorphoser vers un soi plus écologique. Parce qu'on se pose beaucoup la question du comment, à juste titre, mais j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, on n'arrive pas à y répondre. Et de se demander où, en remplaçant juste le comment par le où est-ce que je peux devenir quelqu'un d'autre, ben, ça pose la question tellement autrement que peut-être ça réouvre des pistes. Ça ouvre l'imaginaire et ça réouvre, je crois, vachement bien tout ce que tu évoques, en fait, de ben, un lieu où je peux rencontrer des gens. Si je veux faire de la permaculture, ben, il va falloir un lopin de terre, ou au moins j'apprends à le faire, ou alors je le fais vraiment. Enfin, que du coup, si j'ai pas le lopin de terre, la question du comment, de toute façon, ça sert à rien de me la poser tant que j'ai pas le où, enfin que les deux sont indissociables, mais qu'on pose rarement la question du où. Et que, à nouveau, ben, les gens qui sont en capacité de spatialiser les problèmes, et en fait, a priori tout le monde, mais heureux, on ne... ben, c'est plus consciemment, explicitement travaillé... Par exemple, chez les architectes, et pas que, mais notamment chez nous, et ben, elle devrait s'essaimer justement à toute la population pour que tout le monde réfléchisse de façon plus spatiale, peut-être, en se demandant où adviennent les choses et en partant de là. Un petit temps de questions dans la salle, ça vous irait ? Alors, j'ai 35 000 questions, mais du coup, on va faire court. Geneviève et Mathias. Ok, parfait. Alors, Geneviève, tu as parlé de la maisonnée... Et du coup, le fait qu'il y avait, que c'était aussi quelque chose de circulaire et qu'on bougeait beaucoup. Et ma question, c'est comment tu penses la propriété, la notion de propriété liée à ça ? Parce que du coup, j'imagine que c'est pas quelqu'un qui possède la maison, enfin, ça n'a pas de sens dans cette idée-là, c'est plutôt quelque chose de commun. Du coup, de quelle forme ça pourrait prendre ? Et donc ça, c'est la première question. Deuxième question qui est liée, c'est du coup le cas de la cellule familiale telle qu'on la connaît aujourd'hui, et du coup par conséquence l'éducation des enfants, comment est-ce qu'on envisage la vie du coup de cette manière-là, et en connexion le travail, genre la question du travail. Si on passe énormément de temps à, enfin si on a besoin de passer du temps à se consacrer à notre subsistance, qu'est-ce qu'on fait le reste du temps ? Est-ce que ça nous prend tout notre temps, ou alors est-ce que quid du travail qu'il y a d'autres à faire, que ce soit de l'organisation, de la gestion de choses, ou même l'art, d'autres activités. Alors, bon, tout ça, c'était par rapport à la maisonnée. Ensuite... C'est déjà pas mal. Ok, d'accord, parce que j'ai vraiment d'autres questions. Sur, je vais juste faire un rapide. C'est sur, du coup, la commande, l'État, la notion de l'État, ensuite, les commandes pour... d'urbanisme et aussi de manière générale. Ensuite, l'art, les musées, le devoir de mémoire dans un ensuite monde utopique. Comment est-ce qu'on continue à enseigner le fait qu'on a, disons, transitionne, et lié à ça par rapport au devenir de nos métropoles et de nos villes. Du coup, ça lie mémoire, musée, art, tout ça. Et technologie, le futur, tout ça. Et bon, les hôpitaux, mais je pense que là, on va finir. Allez, bonne chance. Alors la propriété, ben c'est sûr que c'est l'usage qui prime sur la propriété. Ensuite, moi, si je pars de mes enquêtes, puisque je suis sociologue, et donc la première chose qui m'a marquée, c'est que toutes les alternatives que j'ai rencontrées, elles étaient propriétaires, au sens où il faut acheter un bout de terre, parce qu'en fait, c'est aussi une garantie pour plein de raisons, pour éviter de se faire déloger quand on commence investir dans un équipement de subsistance, il y a la question d'avoir un espace suffisamment grand. Donc j'en suis venue à me poser une autre question qui n'était plus de m'intéresser si qui était propriétaire, pas propriétaire ou pas, mais quelles sont les possibilités d'accès à un territoire de subsistance. Et ce qui était très très intéressant, c'est comment des groupes ou des personnes qui, elles, avaient accès à un territoire de subsistance en propriété pouvaient aussi avoir des formes d'hospitalité assez fortes pour d'autres personnes qui étaient en recherche d'un terrain, par exemple, et pouvaient poser leur camion ou avoir un lopin de terre en commun. Et ça, je parle de gens qui sont propriétaires et qui vivraient tout seuls, pour dire que j'y ai vu, y compris dans des formes pas extrêmement collectives, et je le pratique aussi. Donc ça, c'est vraiment une façon de déjouer, de passer par la propriété pour avoir un usage non propriétaire de lieux propriétaires. Et par ailleurs, on est dans un problème, il y a une guerre à mener, foncière, parce que les propriétaires, on peut pas, à force de réclamer des petits jardins partagés en commun, il y a juste des milliers d'hectares qui s'échangent. Donc devenez, passez le titre d'agriculteur pour avoir le droit d'acheter ces hectares qui sont en train de se donner à des multinationales et de s'acheter à grand prix. Donc moi, la propriété, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et donc si on devient tous maxi-propriétaires de ces maxi, très bien, si on en fait autre chose. Donc je déplace complètement la question, parce que c'est devenu une arme aussi, parce que l'État s'arrange pour ne pas avoir ces terres communales, ne pas les rendre communales et ne certainement pas les donner à des petits propriétaires. Donc devenons les grands propriétaires, mettons en commun tout notre argent possible, passons tous les diplômes qu'il faut. Enfin, là, j'ai plus aucune... je sais pas, il faut y aller par tous les bouts, quoi. Donc si c'est par le squat, de grande ampleur, allons-y. Voilà. Donc, et donc l'État, c'est pour répondre à votre question, il faut aller plus vite que l'État, qui de toute manière est fabriqué pour être plus fort. Donc, par contre, ils ne sont pas nombreux, et la masse est grande. Peut-être qu'une masse de petits propriétaires ou une masse d'agriculteurs qui viendraient peut jouer un grand rôle. Et alors les enfants, pour répondre à votre question, les enfants, ils travaillent, parce que tout le monde a travaillé à la subsistance commune, et que c'est un tour de force aussi assez exceptionnel d'avoir cantonné l'éducation au fait d'avoir des savoirs intellectuels et pas des savoirs pratiques. Et c'est délirant. C'est effrayant, en fait. Si l'avenir de l'humanité, c'est uniquement des savoirs intellectuels, et bien en fait, ça, oui, on va avoir des esclaves qui vont faire le travail matériel pour nous, puisqu'il faut bien quand même travailler la matière au tout début, en début de chaîne, avant de la transformer. Il faut bien extraire des matières. Et effectivement, que les enfants soient des saisis de ce savoir-là, c'est terrible. Donc, c'est par le fait d'avoir des territoires de subsistance, ça implique évidemment d'autres manières de travailler. Et ça peut commencer par travailler à mi-temps. Il y a beaucoup de personnes dans les groupes que j'ai étudiés qui travaillent à mi-temps de façon salariée ou pas. Puis, parce que voilà, ça, c'est des formes de transition, mais qui passent par une autre manière de travailler, assurément. Déjà, merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant, Mathias et Geneviève, vraiment, et aussi l'animateur Marin, si je m'ai compris, très pertinent dans la façon de le faire. Moi aussi j'ai 12 milliards de questions, j'ai essayé de faire bref. Déjà, j'ai plutôt une remarque sur le rien faire des grands mammifères. C'est pas que chez les grands mammifères, j'aimerais tordre un petit peu le cou, un mythe patriarcalo-capitaliste qui est la fourmi industrieuse et qui en fait 80% d'une fourmilière standard ne fait rien. Donc c'est un matriarcat où les gens ne font rien, ce qui est une belle façon de tordre ce mythe. Moi, j'ai pas vraiment de questions, mais c'était plus sur le concept de la maisonnée qui m'a vraiment intéressé. De la façon dont c'est raconté, ça me fait aussi penser du coup, vu que c'est quelque chose qui existait avant, c'est hyper intéressant de poser comme ça, et en même temps ça me fait penser au féodalisme. À la façon dont l'unité sociale s'est créée à ce moment-là, avec énormément de biais et de défauts, notamment le féodalisme, on pourrait en discuter, je ne serais pas forcément à défendre jusqu'au bout, mais c'est un peu la naissance du patriarcat actuel. Comment on évite ce biais-là? Comment on ne recrée pas cette structuration qui s'est créée hyper négative, alors qu'effectivement, je découvre le concept, et vraiment, il y a quelque chose de très très intéressant pour moi derrière. Voilà. le nomadisme. En fait, le féodalisme, déjà, c'est une certaine conception d'une lecture du Moyen-Âge. Et Silvia Federici, par exemple, insiste pour parler de cités en autonomie. Et les anarchistes, comme Kropotkine aussi, ont parlé des corporations ou des corporations municipales comme une autre manière de... régionaliste, pour le coup, qui était une manière d'échapper au seigneur, en fait. Hein. Et donc, il y a des cités libres, des villages libres, tout le monde n'était pas serf. Donc, et donc, il y a un patriarcat féodal, et ensuite, pour les écoféministes qui m'ont intéressée, elles ont identifié un patriarcat capitaliste, mais elles n'ont pas dit que le patriarcat capitaliste était plus intéressant que le patriarcat féodal, elles l'ont même vu pire. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas nier cette forme peut-être d'enchantement médiéval, mais ce qui est hyper important dans les maisonnées, c'est qu'elles sont circulantes. Pour ne pas avoir le cerf, il est attaché de façon terrible au fief, quoi, et un lieu. Et en revanche, les maisonnées, elles ont... Certaines doivent s'ancrer sur un territoire tel que dans le monde tel que je l'imagine, les maisonnées non patriarcales, donc elles s'ancrent dans un lieu parce qu'il faut se remettre en état de veille et d'écoute du monde pour réenclencher des cycles de subsistance et puis créer des communautés aussi adéquates pour faire ce travail-là, parce que c'est pas une partie de campagne, c'est un travail. Et de l'autre, il faut, et c'est ça, c'est quelque chose de structurant que j'ai vu dans tous les terrains d'enquête, il y a une partie qui est nomade. Parce qu'elle, elle ne veut pas s'ancrer là, elle n'est pas sûre que c'est le bon endroit, et puis elle n'aime pas se fixer, et puis elle est peut-être comme des musiciens, en fait, qui bougent. C'est des colporteurs, des colporteuses, et c'est très très très important. Il y a toujours du coup une moitié qui se fixe, puis un autre bout qui ne va pas cesser de circuler. Et puis, donc, moi, j'ai vu ça mais partout, des lieux les plus pacifiés aux lieux les plus en lutte. Ça m'est apparu comme un élément consubstantiel, en fait, de réancrage dans la maisonnée, implique qu'il y a un bout de la maisonnée, en fait, qui ne cesse pas de circuler, et qui permet aux maisonnées, enfin, de dire, tiens, en fait, moi, dans la maisonnée que j'ai vue là-bas, dans le collectif, ça ne se passe pas comme ça. Et donc, aussi, que des bonnes pratiques soient mises en commun à travers cette circulation. Et donc, je pense que c'est ce qui permet d'échapper à un enracinement. Qui serait terrible. Par rapport à ce que vous dites justement, est-ce que la notion de propriété foncière, il ne faut pas l'abolir une bonne fois pour toutes ? Voilà. Ben oui. C'est-à-dire que est-ce que ce n'est pas ça la première chose à faire par rapport à tout ce que vous venez de dire qui est super intéressant, mais abolissons la propriété foncière. Et voilà, on a ici dans notre région des marais communaux par exemple, ben voilà, c'est un excellent modèle. Et donc voilà. Tout à fait. Allez, on fait ça en vote. Qui est pour ? Tout à fait. Mais c'était juste que je voulais expliquer qu'empiriquement, avant que le levier étatique de l'abolition de la propriété se mette en route, l'eau aura déjà monté. Et donc, du coup, il faut une révolution, une réforme foncière et abolir effectivement la propriété. Mais de là à faire de l'absence de propriété, ce qui a pu être le cas, par exemple, dans des lieux, une absence de concernement, parce que soi-disant, le commun, enfin comment dire, c'est un travail aussi de savoir ce que c'est que de gérer en commun. Et l'esprit communautaire, de savoir du cours d'eau, du ruisseau entretenu par toute une communauté villageoise, on a tellement désappris ça que il faut d'abord avoir des savoirs de mise en commun pour se mettre à se dire qu'on va enlever la. Enfin, je ne peux pas dissocier ça de la propriété. Il n'y a pas de. Comme Maria Miss disait, il n'y a pas de commun sans communauté. Donc si on va pas passer, c'est pas l'abolition de la propriété privée qui va faire du commun. Peut-être que tu voulais parler de l'abolition des frontières. Non. Pourquoi pas, mais c'est une bonne piste. Non, j'étais intéressée par, tu avais soulevé ce mot de xénophobie parce qu'on peut pas s'empêcher de penser quand même que le concept de maisonnée peut fort fort résonner sur un repli sur soi et un repli xénophobe tout simplement. Et qui est complètement repris d'ailleurs par des groupuscules d'extrême droite qui ne manquent pas de parler d'identité et d'identité régionale. Du coup, est-ce que tu veux nous dire deux mots là-dessus? Et sinon, je voulais vous remercier tous les trois pour vos échanges, c'était passionnant. Ça m'a fait quoi, plein de situations vécues collectives et qui sont vraiment belles. Alors merci de les avoir un peu rebrassées avec vos mots. Et voilà, merci. Merci. Merci beaucoup. Je t'ai écouté très fort et je te remercie. Et en parallèle, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. C'est vrai que c'est Mariamis aussi, je crois, qui nous comparait à des poules. Tu as peut-être la citation plus simplement que moi, mais en gros, si on ressort des poules d'élevage de leur enclos, elles ne savent plus picorer dans les champs, quoi, ou dans les forêts. Quoi. Et qu'on est un peu dans cette situation-là de devoir réapprendre donc tant les activités de subsistance que ce que tu dis là, les activités du commun aussi. Et c'est exactement le discours que j'entends aussi dans les communautés de l'architecture autour de moi. Notamment, je pense à mes amis de commune qui viennent d'avoir le palmarès en même temps que les marneurs, là, qui des fois disent ça, disent « mais en fait, nous, on serait les premiers contents de laisser l'architecture, de dire « ok, ben maintenant les gens se la réapproprient », sauf qu'ils n'ont plus les savoir-faire. » Donc en fait, qu'est-ce que c'est si c'est pour en fait laisser l'architecture à Bricorama et Monsieur Bricolage, comme c'est déjà du reste un peu le cas aujourd'hui, et Ikea, quoi, c'est pas gagnant non plus. Donc en fait, peut-être que dans ce cadre-là, nous on serait que des acteurs, pour employer le mot qui est pas très bon, mais de la transition vers un monde où les savoirs seraient revenus, de la subsistance, de l'architecture vernaculaire et du commun, et qu'on serait là que pour reformer des gens en gros à se passer de nous. Voilà. Après, c'est vrai que, ben oui, la xénophobie, alors j'ai lâché le mot un peu comme ça tout à l'heure, parce que, en fait, pendant longtemps, j'étais presque gêné de parler de biorégionalisme, je le suis toujours d'ailleurs, mais là, je me sens un peu plus à la maison, j'allais dire dans une maisonnée, ici, dans la salle. Mais c'est vrai que des fois, quand on a des interlocuteurs qui se disent intéressés par ce mot, on ne sait pas bien, en fait, pourquoi ils sont intéressés par ce mot, et si effectivement, c'est une forme de localisme vert, matinée d'extrême droite et de souveraineté nationale, etc. Alors la seule opposition peut-être structurelle sur laquelle on peut s'appuyer, c'est que finalement les nationalistes, dans l'idée de régionalisme, ils ne sont pas non plus complètement à l'aise. Heureusement, il y a peut-être ce mot-là qui sauve, entre guillemets. Alors on se disait ça il n'y a pas longtemps avec un ami, il se disait bah, de là à ce que le mot de bionation apparaisse, hein, il n'y a qu'un pas finalement. Mais en effet, le bionationalisme, par essence, il est antinationaliste, il est transnationaliste. Enfin, la biorégion, elle ne connaît pas la frontière franco-belge, par exemple, qui n'a aucun sens biorégional. Quand j'étais à Montpellier, et que je travaillais à Montpellier quelques années, et que j'ai appris qu'il y avait eu, cette année-là, des fortes chutes de neige, et la région, je crois, voulait déclarer catastrophe naturelle, ou je ne sais pas quoi, parce qu'il y avait eu beaucoup de chutes de neige, je me suis dit, bah là, Montpellier, qui a cette, enfin, la région qui a cette réaction-là à des chutes de neige fortes, a peut-être plus à partager avec Barcelone et Séville qu'avec Lille et Chambéry, quoi. Enfin, à la limite, presque dans les réactions actuelles et même gouvernementales, des fois, on voit apparaître des éléments qui inviteraient à dépasser le récit national. Bref, donc ma réponse à tout ça, c'était de dire, ben, peut-être que la biorégion, ça nous tourne vers la nature, et qu'au lieu de se regrouper pour des questions culturelles, d'un drapeau, d'une langue, d'un droit du sang, enfin, toutes ces horreurs-là, on pourrait se regrouper parce que ce commun, c'est ce milieu commun qui est notre source chérie, commune à partager et à préserver, et en même temps dont on tire notre subsistance, et ben on a à en prendre soin. Donc on est la communauté de la montagne, de la forêt, et non pas du drapeau ou de la langue. Cet écocentrisme-là, avec le temps, je pense que malgré tout, il est. Et ce serait peut-être un peu naïf que de se dire qu'il nous protège du sexisme, de la domination, du patriarcat. Enfin, je ne sais pas si à lui seul, il permet de faire un monde idéal non plus, quand même. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'abandonner, mais nous, voilà, je ne crois pas qu'il faille le croire protecteur de tout à la fois. Et le monde féodal qu'on évoquait juste avant, c'est peut-être un peu cette histoire-là, quoi, d'une société qui était quand même plus durable au sens premier du terme que la nôtre, elle pouvait durer beaucoup plus longtemps sans ruiner ses écosystèmes, pour autant elle n'était pas idéale. Malgré tout, sur le sujet, j'ai adoré aussi les écrits de William Morris, qui donne aussi ce que tu dis, complètement une autre lecture de cette époque-là et qui est beaucoup moins en fait une image complètement caricaturale qu'on a aujourd'hui des dragons, des chevaliers, des sorcières et je sais pas quoi, et en fait qui est un monde qu'on transmet aux enfants dans les histoires et qui n'est jamais contredit en fait par la suite, et donc on se traîne jusqu'à l'âge adulte sans voir que c'est ridicule. Enfin, revenir sur la question de la... Parce que c'est pour ça que je fais très très très attention aux mots. Quand je dis maisonnée, je dis pas famille. Et pour avoir enquêté sur... Enfin, pour avoir des étudiants qui ont enquêté sur le survivalisme, qui est d'extrême droite pour le coup, et juste, ça n'a rien à voir. Déjà, c'est pas des maisonnées hospitalières. C'est-à-dire, on peut pas débarquer comme ça sur un terrain et poser son camion. Ensuite, c'est très très très viriliste. Et enfin, l'idée du partage de savoir comme essaimage, enfin immédiat, de mise à disposition des savoirs, là c'est plutôt les meilleurs vont s'en sortir parce qu'ils sont les mieux préparés, ce seront les mieux préparés. Et donc je me fabrique ce bunker de savoir, de nourriture. Et donc c'est le contraire de ce que c'est qu'une maisonnée, parce qu'une maisonnée, c'est un bunker autarcique. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a caricaturé les campagnes, les gens seraient... Alors qu'en fait, dans beaucoup de trajectoires d'alternatives et d'écologisation radicale, j'ai le voyage dans un pays du Sud, où là les gens découvrent, ils partent sac au dos, et puis ils découvrent que les gens sont vachement hospitaliers, ils sont hyper sympas, ils n'ont pas grand-chose et ils partagent. Et donc, en fait, là, c'est l'occidental qui débarque et qui découvre qu'en fait, lui, il est hyper sédentaire, déjà, et qu'il se fait prendre une leçon de savoir-vivre dans tous les sens du terme, par ceux qui sont décrits comme à développer. Et donc, en fait, après, la question se pose à chaque fois, est-ce que, du coup, où je m'installe, certaines décident de s'installer, finalement, là où ils ont grandi. Et donc, moi, mon critère, c'est quel est le niveau d'hospitalité, en fait, des groupes. Le niveau d'échange de savoir, une mise à disposition du savoir et les mots qu'on emploie. Et du coup, moi, ça me permet, parce que l'écologie, c'est toujours son truc, oui, c'est, on a toujours eu des accusations par l'extrême-gauche, à l'extrême-gauche écologiste, qu'elle serait potentiellement du côté limite nazie. Enfin, donc, en fait, donc il y a des lignes, enfin, voilà, des critères énormes. La transphobie, par exemple, c'est aussi des trucs, le rapport à l'homosexualité, le rapport... Donc moi, quand je parle de maisonnée, ça me permet, logiquement, ça me met à l'abri de ce genre d'amalgame et d'assimilation. Et je vous remercie vraiment fort d'avoir posé la question, parce que c'est vrai que c'est un spectre et qu'on est forgé dans un imaginaire qui nous empêche de voir l'égalité, des formes d'horizontalité, le nomadisme. Enfin, les gens, les maçons de la Creuse, ils passaient une moitié de la saison en dehors, et c'est eux qui ont construit Paris. Évidemment que les paysans des montagnes allaient faire les récoltes dans la Beauce, parce qu'il n'y a pas assez de population dans la Beauce pour faire les foins, enfin pour faire les céréales là, qui nous nourrissent. Enfin, donc en fait, des campagnes hyper circulantes, c'est la base même d'une société paysanne. Mais par contre, moi je décris à l'inverse nos sociétés modernes comme étant affectées d'une sédentarité malade et d'un nomadisme effrayant, puisque c'est un nomadisme en plus qui ne prend pas en compte la subsistance. Alors que les nomades, eux, se nourrissent en cheminant. Enfin, ils ne peuvent pas envisager d'arrêter leur activité. Donc du coup, voilà. Mais il faut hyper s'équiper sur le plan conceptuel, sur le plan du vocabulaire, pour pas... Je dis jamais terroir, je dis territoire. Enfin, voilà, alors du coup, ça permet que la biorégion... Moi aussi, j'ai eu du mal comme toi. Et ça me fait, enfin, tes travaux et tout ce que vous faites à Wild Project, c'est extraordinaire parce que ça nous permet de dire non, mais attendez, on peut parler de biorégionalisme sans que ça soit mal interprété, et de rendre vivant et actuel et hyper actuel tous ces textes, parce que sinon on aurait laissé la région à l'extrême droite, ce qui serait horrible, quoi. Et peut-être pour très rapidement réagir sur cette question des frontières, parce que je pense qu'elle est quand même très importante et surtout très complexe. Bien sûr, on peut tout à fait être solidaire des mouvements No Border et de l'abolition des frontières, parce qu'en fait, on rentre dans une période d'autant plus où l'hospitalité va redevenir quand même une des règles premières de la vie si on veut survivre en tant qu'êtres humains, tous autant qu'on est, et tous et tout autant qu'on est sur cette planète, ça c'est certain. Cela étant dit... dans un point de vue éco-centré, d'un point de vue biologique, il y a des frontières du vivant. Mais c'est juste que les frontières du vivant sont des frontières poreuses. Et donc en fait, c'est pas tant le terme de frontière qu'il faudrait questionner que le fixisme qu'on a dans la tête. De voir qu'en fait, parce que c'est tracé sur une carte à cet endroit-là, c'est là que ça s'arrête, et que si quelqu'un franchit le pied, alors il est chez nous. Mais qu'en fait, dans le vivant, bah, c'est beaucoup plus entremêlé que ça. Et on parlait de forêts, de bassins versants, de raisonnées, de troupeaux. Par exemple, si on regarde les troupeaux libres de Sibérie, de Rennes, bah, est-ce qu'ils sont domestiqués ou est-ce qu'ils sont sauvages ? Donc en fait, surtout, tout ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, et moi c'était aussi pour ça que j'étais très content de vous recevoir, mais tout ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, c'est vraiment aussi une mise en question de nos dualismes. Du fait qu'en fait, globalement, on nous apprend à fonctionner avec des choses qui sont binaires et fixes. Soit c'est noir, soit c'est blanc, soit c'est homme, soit c'est femme, soit c'est corps, soit c'est esprit. Et que tout ça, en fait, d'une certaine manière, si on prend le temps de regarder les choses autrement, bah, ça nous renseigne assez mal sur la manière dont le monde fonctionne, dont les communautés fonctionnent, mais du coup, les communautés au-delà de l'humain. Toutes les cultures vivantes, qu'elles soient animales, végétales, humaines, etc., fonctionnent en fait de façon beaucoup plus mobile, métamorphe, visqueuse, comme tu disais, que tout ce qu'on nous apprend. Et donc, je ne réponds pas à la question en disant tout ça, mais cette question des frontières, c'est là où je pense qu'il faut venir mettre le doigt, c'est sur le fait de la porosité. C'est-à-dire, en fait, bah, si on est dans des imaginaires d'emboîtement d'échelle, de symbiose, de mélange, bah, on peut être à l'intérieur de plusieurs frontières à la fois. Et donc, ce n'est pas tant l'abolition des frontières que la multiplication des frontières, mais non pas des frontières arrêtées, des frontières ouvertes. Enfin, j'ai l'impression que là aussi, on a un travail imaginaire à faire. Enfin, on n'a pas grandi dans la bonne culture quoi, pour bien penser ça. Si je peux faire un tout petit mot pour rebondir encore, c'est ce que tu racontes, c'est aussi dans L'art d'habiter la Terre de Kirkpatrick Sale. À un moment, il dit ça. Il dit, mais en fait, on pourrait penser que c'est une faiblesse de la biorégion d'avoir du mal à dessiner des frontières fixes. Alors qu'en fait, c'en est une force, parce que justement, ça nous force à arrêter de penser qu'on peut dessiner des frontières fixes et à comprendre que notre esprit, il est façonné sur un modèle obsolète. Moi, maintenant, j'ai tendance à dire deux choses. C'est que d'une part, il n'y a pas une échelle biorégionale, mais il y a des échelles biorégionales, parce que c'est un interscalaire complet qui va quasiment de l'individu à la biosphère, quoi, en fait, en exagérant un peu. Et surtout, que ce que tu dis, hein, qu'il y a des intemporalités, des cyclicités, des saisonnalités de la biorégion. Peut-être que notre biorégion, si on peut la mettre au singulier quand même, c'est pas la même en été et en hiver. Et rien que cette possibilité-là, je trouve qu'elle ouvre formidablement l'esprit, et elle rejoint ce que tu racontes, quoi, la biorégion des montagnards, bah, elle s'ouvre à la Beauce en été. Enfin, c'est exactement ça, quoi, la possibilité d'un monde qui n'est ni figé, ni complètement nomade en un sens touristique, quoi, d'un hors-sol total. J'ai pas saisi l'ordinaire. Lors de nos conférences pendant Châtier Commun, on pose une question rituelle à chacun de nos invités, et donc je vais vous la poser à tous les deux. Quel serait pour vous le chantier commun, le chantier commun à mettre en œuvre collectivement dès aujourd'hui ? Avec ce qu'on vient de se dire, un chantier commun que vous voudriez nous mettre un peu à quand, partout, voilà. Avec tout ce qu'on vient de se dire. J'avoue que je savais la question à l'avance, parce que vous me l'aviez dit. Alors sur le moment, j'ai noté un truc. Il ne faut jamais faire ça, parce que quand on note, du coup, on se libère l'esprit, parce qu'on l'a noté, donc c'est libéré. Je suis libéré, je n'ai aucune idée de ce que j'ai noté ce jour-là, quand j'ai appris la question, rien ne me vient. En même temps, tu avais dit que les grands mammifères passent la majorité de leur temps à ne rien faire, donc il est urgent de ne rien faire. Hein. Je crois que le plus urgent pour moi, c'est de changer de système de valeur. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, parce que c'est énorme. Le début de l'aventure, c'est au moins le milieu ou la fin, mais je crois que pour moi, c'est le chantier primordial. En tout cas, c'est ça, le système de valeur. Je ne sais pas si c'est clair, une fois dit comme ça, mais en gros, tant qu'on attribue de la valeur à des choses qui sont mortifères et qui sont nuisibles écologiquement, ben on est dans un cul-de-sac. On ne peut pas s'en vouloir de faire ces choses-là puisqu'elles ont de la valeur pour nous, et en même temps, c'est précisément ce qu'il ne faudrait pas faire. La seule issue, c'est de comprendre qu'il faut réorganiser son esprit, comme on disait là. Pour moi, c'est réapprendre, enfin, c'est apprendre des savoir-faire de subsistance de tout type, et de commencer par celui par lequel ça vous semble le plus simple de commencer, pour que la réforme foncière qu'il est nécessaire de faire. Parce que si demain on se retrouve avec plein d'hectares mais qu'on ne sait pas quoi en faire, ça va être compliqué. Alors que si on a les savoir-faire et qu'en même temps on fait la demande de réforme foncière, ça devient carrément un projet collectif qui peut permettre de soulever des montagnes.